les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Journaliste, producteur, Jean Thévenot fut l'une de ces personnalités, comme il y en eut quelques-unes dans l'histoire de la radio et de la télévision, des personnalités plus innovantes, plus modernes, si l'on peut dire, plus à l'affût des dernières technologies en matière de son et d'image, et sans doute aussi plus imaginatives que d'autres sur ce qu'on pouvait en faire. Passionné très jeune par la communication, les médias, Jean Thévenot avait plongé très tôt dans le monde de la radio et fut à la Libération secrétaire général de la radio française. Il devint très vite aussi l'une des figures pionnières de la télévision. Les plus anciens téléspectateurs se souviendront peut-être de lui animant notamment le Grand Voyage. Mais pour beaucoup des auditeurs vétérans de la radio, son nom est associé aux émissions « Aux quatre vents » et « Chasseurs de sons » qui ouvraient les ondes nationales aux enregistrements sonores réalisés par des amateurs. Une porte que Jean Thévenot avait ouverte dès les premières années de l'après-guerre, bien avant que ne s'impose le magnétophone, comme il le rappelait au micro de Guy Erisman dans le sixième volet de l'enquête que ce dernier consacrait à l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Une émission au cours de laquelle on pouvait entendre ses documents amateurs et que terminait Jean Thévenot en annonçant l'arrivée d'un appareil qui devait permettre bientôt à tout un chacun d'enregistrer l'image et le son synchrone, le magnétoscope. C'était en 1964, comme quoi Jean Thévenot était quelqu'un qui se tenait informé. Magie et vérité des sons, sixième d'une série en 12 volets, entretien avec Jean Thévenot, une émission diffusée la première fois le 31 juillet 1964 sur France Culture. Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Nous allons aborder aujourd'hui le problème de l'enregistrement pratiqué par les amateurs. En effet, l'usage de l'enregistrement s'est répandu chez les amateurs qui parfois et même souvent usent de leur magnétophone avec beaucoup d'art. Et cela serait resté pratiquement inconnu si ces amateurs n'avaient été invités à se manifester sur les antennes de la radio. Eh bien, aujourd'hui, nous avons au micro Jean Thévenot, qui est précisément le promoteur de l'enregistrement d'amateurs sur les antennes de la radio. N'est-ce pas, Jean Thévenot ? C'est exact, Guy Erisman, et en somme, vous m'invitez à faire un retour en arrière et à faire de l'histoire. C'est le 9 février 1948 que pour la première fois en France, et je crois ne pas me tromper en disant au monde, les amateurs se sont pour la première fois manifestés sur les antennes. Voici dans quelles conditions. À cette époque, l'un de nos programmes s'appelait la chaîne parisienne. Et sur cette chaîne parisienne, il y avait à certains moments des journées spécialisées sur un thème ou à propos d'une technique. Et un jour, il fut demandé à Pierre Brive de faire une journée du disque. Et Pierre Brive nous demanda aux uns et aux autres, producteurs d'émissions, de lui apporter, si possible, du nouveau. C'est le souci de tout producteur, et notamment du responsable d'une journée entière. Et comme personnellement, m'intéressant déjà à cette époque-là à l'enregistrement sous certaines formes, je connaissais plusieurs personnes qui faisaient, à l'époque, de la gravure à domicile sur disque souple. Il n'y avait pas encore le magnétophone, il n'y avait pas d'autres techniques. Il m'est venu à l'idée qu'il pourrait être intéressant de procéder brusquement au transfert à la consommation publique de ce qui avait été conçu pour l'usage interne. Il me semblait que, en soi, ce transfert pourrait présenter un intérêt sur le plan de la vérité des documents ou sur le plan du pittoresque. Et je fis le tour de ceux que je connaissais, gravant ainsi à domicile. Puis, j'ai eu peur qu'il n'y en eût pas assez, ou tout au moins qu'il n'y eût pas, par eux, un choix suffisant de documents différents. Et on lança un appel sur les antennes, car je supposais qu'il y avait, dès cette époque, des gens que je ne connaissais pas et qui faisaient, comme ceux que je connaissais, de la gravure à domicile. Et au bout de 48 heures, nous étions devant, je crois me rappeler, une cinquantaine de propositions, c'est-à-dire beaucoup plus qu'il n'en fallait pour l'émission envisagée qui, sauf erreur, devait durer une demi-heure. Alors, je demandais à Pierre Guiton, qui était déjà le spécialiste et le responsable de ce genre de diffusion, de bien vouloir stopper nos appels, et néanmoins j'avais mes 50 propositions. J'ai écouté tous les disques qu'on m'a apportés, j'ai pu faire un premier choix qui m'a permis de réaliser l'émission prévue le 9 février 1948, sous un titre qui me paraît un petit peu ridicule avec le recul, et je peux le dire car c'est moi qui l'avais imaginé. Il n'avait de sens que par rapport à la conjoncture du moment, ça s'appelait « Place aux particuliers ». En effet, c'était la première fois que les gens qui faisaient de l'enregistrement en particulier avaient l'accès et l'audience du public, vous comprenez. Mais c'était très explicite. Oui, enfin, c'était pas un bon titre. Mais le 9 février 48, c'est donc la date historique de la première manifestation publique des amateurs. Vraiment, je crois que c'est le cas. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit à l'instant, les 50 propositions. Alors, il me restait beaucoup d'enregistrements. À ce moment-là, je suis allé voir Jean Tardieu, directeur du club d'essai. Je lui ai dit, écoutez, il me semble que c'est dans le programme même d'un club qui se dit d'essai, d'essayer de manifester d'une manière régulière les productions des amateurs de l'enregistrement sonore. D'accord, me dit-il, et c'est ainsi qu'une émission fut créée sous son égide, une émission hebdomadaire. Et puis, cette émission a fait boule de neige. Il y a constamment de nouveaux amateurs, on ne dit plus ça d'ailleurs, on dit des chasseurs de son maintenant, qui se manifestent. Et les nouveaux, comme les anciens, se manifestent aussi avec des choses qui sont constamment nouvelles, de sorte que c'est une émission qui est partie pour devenir éternelle, pour autant que nous le serons nous-mêmes et que nos successeurs le seront, vous comprenez. Oui, effectivement, l'apport est constant. Mais depuis, ces amateurs, ces chasseurs de sons, ces mordus de l'enregistrement se sont groupés en une grande famille, je crois. Oui, voilà. Alors, l'émission, le point de départ, ça a donc été une première émission, puis une série d'émissions de la RTF. Et quand je dis une série, je ne sais pas si vous avez eu une idée de ce qui a pu être diffusé par la RTF. Moi, je le sais parce que j'en ai toujours eu la responsabilité. Très sincèrement, quoi que je ne puisse pas vous donner la statistique exacte à une unité près, je peux vous affirmer que ça se situe entre 1200 et 1300 programmes. Je suis prêt à vous croire car vous avez des dossiers très bien rangés. Oui, oui. Et néanmoins, si bien rangés qu'ils soient, si je peux vous dire le nombre à 100 près des programmes, je serais un peu plus embarrassé si vous me demandiez de vous indiquer le nombre d'enregistrements que j'ai eu à écouter, car vous imaginez que je reçois des enregistrements qui me sont proposés d'ailleurs des quatre coins non seulement de la France mais du monde. Tenez, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre de Lituanie d'un soviétique qui me dit « J'écoute quand les conditions météorologiques sont bonnes, atmosphériques sont bonnes, j'écoute aux 80 avec le plus grand plaisir ». Et il me raconte le contenu de certaines émissions. Donc, vous voyez, on est entendu un petit peu partout dans le monde. Alors, donc, je reçois des enregistrements des quatre points cardinaux, ce qui a sans doute justifié le nouveau titre de l'émission aux 80. Et puis, je fais un choix entre tout ce qu'on me propose. Et si je ne peux pas là vous donner la statistique exacte, je crois qu'on peut établir un rapport de 1 à 10. C'est-à-dire pour 10 enregistrements écoutés, 1 diffusé, donc j'en ai écouté depuis 16 ans, de 12 à 13 000. Merci de votre compassion. Et je réponds à votre question, à savoir que l'émission unique d'abord, puis les émissions qui en sont nées sans que je l'ai voulu, après que j'eusse joué l'apprenti sorcier, ont donné naissance à un mouvement, une organisation nationale des chasseurs de sons, qui s'est transformée d'ailleurs au cours des années, puis par voie de contagion à une autre association d'abord en Suisse, à une émission analogue à la nôtre en Suisse, puis dans d'autres pays, puis il y a eu un concours national en France, puis un concours international, une fédération internationale des chasseurs de sons qui a été amenée à coopérer avec l'UNESCO. Enfin, vous voyez, on est très loin de ce qui aurait pu être considéré comme les amateurs une marotte à dada, et pour ce qui me concerne, un caprice d'un jour, comme les autorités de la RTF d'ailleurs l'avaient pensé au début, puis ils en sont revenus maintenant, on est arrivé à quelque chose de très positif qui existe sur le plan national et international qui est très important. Et il y a déjà 3 ans, il y a eu une consécration de tout cet effort que nous avons dû, ce n'est pas par hasard, à celui qui nous comprenait le mieux, à Paul Gilson. Il y a eu un documentaire sonore intitulé « Pris sur le vif » qu'il nous a demandé de réaliser pour le présenter au Prix Italia. Alors vous imaginez, les amateurs qui un jour, dans leur cuisine, dans leur salle à manger, ont fait un enregistrement pour leur plaisir, sans aucune arrière-pensée, ces mêmes amateurs qui sont présentés au Prix Italia, la grande compétition professionnelle de la radio sur le plan international, c'est formidable. Dans la catégorie documentaire. Documentaire sonore. Alors, si vous voulez, avant que nous allions vers d'autres aspects de l'art et de l'usage de l'enregistrement par les amateurs, je vous propose, puisque ça a été une étape considérable, de revenir à l'écoute intégrale en seconde diffusion sur les antennes françaises. Je dis bien sur les antennes françaises car ça a été diffusé un petit peu partout dans le monde maintenant. À une seconde diffusion donc de Pris sur le vif, ce documentaire qui est une anthologie de l'enregistrement d'amateurs français présenté au Prix Italia en 1961. Et puisque nous procédons à cette seconde diffusion, passons l'enregistrement tel qu'il a été présenté au Prix Italia avec son générique. Sur le vif. Anthologie de l'enregistrement d'amateurs français. Une émission de Jean Thévenot, réalisée avec la collaboration de Henri-Vincent Dulaurier. Sur le vif, au cours d'une réunion d'amis, cet enregistrement témoigne des joies durables que peut procurer le magnétophone à la maison. Si on l'appelle magnétophone, le fait est relativement nouveau. Il est déjà ancien. Si on l'appelle plus généralement enregistrement sonore, enregistrement d'amateur. Initialement, avec les appareils à usage individuel, tour à tour enregistreur et reproducteur, il n'y eut même que des amateurs. En 1889, Monsieur Eiffel, le constructeur de la tour, recevait un phonographe des mains d'Edison et aussitôt il devint un fervent amateur de l'enregistrement. Quand il avait chez lui des amis, il les invitait à déposer une dédicace verbale sur un cylindre, ainsi transformé en livre d'or sonore. Il s'adressait à son phonographe, le tutoyait en toute familiarité et au besoin le priait de transmettre un message à l'assistance, puis il datait l'enregistrement. Ainsi en fut-il le 4 février 1891. « Tu vas avoir, dit Monsieur Eiffel à son phonographe, tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes. Et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant plus que les paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. 4 février 1891, ce cylindre sera conservé précieusement. Tu vas avoir à répéter les paroles de charmantes personnes. Et surtout, tu leur diras bien que nous comptons sur elles le 9 février pour prendre une tasse de thé et qu'elles auraient tout à fait tort d'y manquer. Tu répéteras bien cela, n'est-ce pas? D'autant plus que ces paroles enregistrées nous serviront de souvenir pour la soirée d'aujourd'hui. 4 février 1891. Ce cylindre sera conservé précieusement. Ce cylindre a été conservé précieusement depuis 70 ans. Verba manent, M. Eiffel, mort en 1923, vient de vous parler. En jouant au phonographe, les amateurs du siècle dernier instituaient les premières archives sonores, appelées à être d'autant plus significatives qu'elles étaient plus sincères parce que privées, établies sans autre finalité que le jeu. C'est ainsi que nous pouvons apprendre aujourd'hui qu'en 1898, la grande crainte d'un député français était de voir employer les ballons dans la guerre alors menaçante entre les États-Unis et l'Espagne. J'espère qu'on n'aura pas besoin de se servir de ballons dans la guerre dont on nous menace entre les États-Unis et l'Espagne. À la fin du 19e siècle, le phonographe commençait à écrire l'histoire vivante et sans phare. Du jour au lendemain, cette fonction précieuse fut abolie par un nouveau progrès technique, le tirage en série à partir d'une matrice métallique. Les appareils tour à tour enregistreurs et reproducteurs, devenus aussitôt des vieilleries, furent remisés au grenier tandis qu'au salon s'installait le phonographe destiné à la seule audition des enregistrements du commerce. Il fallut attendre une trentaine d'années pour qu'avec le disque souple d'abord, puis avec le magnétophone, la faculté fût rendue à chacun d'être soi-même imprimeur de son. Et aujourd'hui, c'est en quantité innombrable que dans la sérénité du foyer et dans la gratuité du loisir s'inscrivent des pages essentielles de la grande et de la petite histoire et se constituent des documents d'un prodigieux intérêt humain. Certes, ce ne sont pas tous les amateurs qui accomplissent une telle tâche. Au début même, presque aucun n'échappe à la tentation des prises de son qui ne peuvent avoir d'intérêt que pour les intéressés. Où vas-tu, petit sapin rouge? Où vas-tu, le petit sapin rouge? Je vais porter ça chez grand-mémé. Mmh. Et où elle habite, ta grand-mémé? Dans le grand bois. Dans le grand bois? Mmh. Bon, alors, le loup, il s'en va, mmh. Puis la petite fille, elle arrive chez sa grand-mémé. Mmh. Alors? Tap, tap, tap, qui c'est? Petit sapin rouge. Tire la serviette. La bobinette sera. Et le petit chaperon rouge, mmh. Il est rentré chez sa grand-mémé. Mmh. Bonjour, grand-mémé. Tu en as de gros yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Oh, tu en as des grosses dents. C'est pour mieux te manger. Il a mangé tout le petit sapin rouge. Oh. Oh. Le passage de la vie domestique à la vie mondaine, fut-elle caractérisée par des ambitions artistiques, n'arrange pas nécessairement les choses. Il arrive aussi que la spontanéité des actes de la vie privée suscite des petits chefs-d'œuvre de fantaisie qui se seraient probablement refusés à un micro professionnel. Par exemple, il n'est pas donné au premier venu de pouvoir évoquer au moyen d'un seul violon le défilé d'une musique militaire, cuivre compris, ou le sermon du dimanche. Le défilé du régiment, le colonel sur son cheval, commande. Au régiment. Les clairons. clarinette. Monsieur le curé en chair. Alors, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers frères. Et puis, la voix monte, et ma foi, quand elle arrive tout à fait dans la force et dans l'aigu, on dit, tiens, le curé va dire quelque chose d'intéressant. Malheureusement, ça s'arrête. Ainsi soit-il. Alors, au nom du Père. Mes chers frères. Et la poule musicienne qui, tout à l'heure, vous a prié de bien vouloir accorder votre attention aux instantanés sonores de l'enregistrement d'amateurs français. Eh bien, cette poule musicienne, c'est tout bonnement un prix de Rome, de musique, enregistré par l'un de nos plus grands organistes. Ce soir-là, la poule musicienne était romanesque, mélancolique. Un autre soir, on la vit instable, tantôt agitée, bruyante, portée vers la danse moderne, tantôt sentimentale, sans cesser d'être une incarnation du coq gaulois. Il n'est pas indispensable de réunir des amis pour donner un sens à l'usage individuel du magnétophone. les occasions les plus variées nous sont proposées par le déroulement même de notre vie personnelle, et ceci de la naissance à la mort. La preuve la plus émouvante en a été donnée il y a une dizaine d'années, au tout début du magnétophone chez les amateurs, par un éducateur aujourd'hui disparu, Robert Barthès, qui avait tout simplement eu l'idée d'enregistrer la naissance de son propre fils. Et la RTF, en diffusant la bande, s'est acquis une priorité qu'on a dite exceptionnelle, alors qu'il s'agissait en somme du plus commun des événements. C'était à l'époque où l'accouchement s'accomplissait encore avec douleur, et où n'était que plus poignant l'hymne à la joie d'une mère cessant brusquement de souffrir et saluant avec des rires éperdus et encore plaintifs l'entrée en ce monde d'un nouvel enfant des hommes, son enfant. Ah, ne vous affolez pas comme ça, la douleur est passée. Bon, eh bien, calmez-vous, respirez bien entre-temps, reprenez-vous comme il faut. Voilà, reprenez-vous bien. Respirez bien là, respirez amplement. Voilà, reprenez-vous, retrouvez votre calme. Voilà. Là, la douleur vient. Bon, eh bien, ne tirez pas vos barreaux, poussez-les. Poussez-les, faites le contraire. Voilà, et poussez bien. Poussez non, bien par en bas, c'est très bien cette fois. Encore, continuez, poussez bien. C'est très bien, voilà, la tête avance à vue d'œil. Allez, poussez bien. Encore, c'est très très bien. Voyez-vous, on ne vous entend plus maintenant que vous poussez bien. Là, alors reprenez une bonne inspiration et repartez. Non, encore, non, là, c'est pas bien. Une bonne inspiration, poussez, voilà, bien. Et poussez. Poussez vos barreaux, ne les tirez pas. Voilà, c'est bien. Encore. Voilà, encore. Continuez d'une manière plus tenue. Voilà, encore. Reprenez une. Non, reprenez une inspiration et poussez. Allez. Non, vous avez poussez, fait. Vous, non, vous faites le contraire. Poussez-vous, commencez. Vous cramponnez dans le sens inverse. Non, et vous vous affolez. Reprenez une bonne inspiration et poussez vos barreaux. La douleur est partie. La douleur est partie. Reposez-vous. Voilà. Reposez-vous. Très, très bien. Allez, reprenez-vous, allez-y, c'est très bien, on va l'avoir. Vous allez vous préparer à respirer, vous n'allez rien sentir. Allez, écartez bien votre jambe. Je verse. Allez, versez déjà. Allez, déjà. Allez, ne poussez plus. Je lui mets. Oui, mettez-lui, respirez très fort. Respirez à fond. D'accord. Respirez bien, bien, bien. Allez, respirez bien. Allez, respirez. Elle n'a pas respiré. Écartez bien vos jambes. Respirez à plein poumon. Vous ne sentirez pas si vous respirez bien. Respirez à plein poumon. Respirez. Ça y est. Voilà, vous avez un garçon. Est-ce que c'est un garçon qu'elle voulait? Oui. Ah ben c'est magnifique ça. Et voyez s'il crie bien. C'est parfait. Voilà. Un joli petit bonhomme. Vous êtes content, oui. Il y a les... Voilà. Voilà. 9h30. Il est bon, il est bien propre. Il est beau, hein? Oui, oui. Oh, mon poule. C'est pas de cuir, ça. Non, ça va. Vraiment bien. Voilà, le voilà indépendant. Il ne dépend plus de vous maintenant, ça y est. C'est fini. Il a commencé sa vie propre. Eh bien, oui, tu es un garçon. C'est bien. Oh, c'est mal, écoute, le bon moment, mon pauvre chéri. Oui, mon fils de Lille. Tu es vilain, toujours. Tu es vilain. Non, il n'est pas vilain. Il est bien mignon. Voilà, nous allons le Le micro a beaucoup à prendre et à nous apprendre dans les limites même de notre horizon le plus strictement personnel. Il a beaucoup à prendre et à nous apprendre quand on lui fait prendre l'air. C'est alors surtout que les amateurs méritent leur appellation internationale de chasseurs de sons. Rien qu'en promenant leur micro, il leur arrive d'établir des documents précieux, moments de vérité, monuments pittoresques inimitables que l'industrie phonographique française a entrepris de perpétuer et de mettre à la portée de quiconque en les fixant sur disque. Exemple, les étudiants de l'École nationale des beaux-arts de Paris fêtant le mariage de deux des leurs avec le concours de l'Orphéon qui fait leur orgueil. À la demande de deux auditeurs. Permettez, une seconde, messieurs. À la demande de beaucoup d'auditeurs qui ont un sens approfondi de la musique, l'orchestre, ou plutôt la fanfare, de l'École des Beaux-Arts va susurrer, si j'ose m'exprimer ainsi, la truite de mon bon camarade Schubert. Bravo ! Les pionniers de l'aviation, les vieilles tiges, aiment à se rencontrer et à évoquer le bon vieux temps. Occasion entre toutes, le cinquantenaire de la traversée de la Manche par Blériot. Et bien entendu, un micro d'amateur était là, spécialement à l'affût des propos vigoureux et colorés du plus ancien des pilotes brevetés, Paulhan, et du célèbre constructeur d'avions, Gabriel Voisin. Oui, n'est-ce pas, Paulhan va vous raconter des histoires. Moi, je vais mettre les choses au point. Pour monter à 100 mètres, il était obligé de quitter son pantalon et ses chaussures. Oui, et mes chaussures, mais j'ai pu voler tout de même 3 heures. Monsieur Paulhan, justement, vous parlez de record. J'ai lu toutefois que vous aviez battu un record d'altitude avec l'altitude donc de 1270 mètres. Oui, le fin novembre 1908, je suis parti en Amérique avec 4 avions. Un Farman, un Voisin et 2 Blériot. C'était pour l'époque une escadrille assez remarquable. En arrivant à Los Angeles, nous avons eu un meeting extraordinaire. J'ai bâti tous les Américains à plate couture dans tous les prix possibles, dans tous les records de distance, de durée, d'altitude. Et j'ai battu le record mondial à cette époque-là par 1350 mètres. Et je vous assure que j'étais pas fier là-haut. Je ne savais pas comment faire. Dans le fond, ce record était dû à des vents ascendants. Ah bon, Et pour descendre, je ne pouvais pas descendre, je piquais à mort. Dans mon truc, je dis, ça y est, je vais tout casser. Et ça ne descendait pas, ça montait toujours. Mais le record était battu et je... Et il a tenu combien de temps, ce record? Encore assez, oui. Ah encore oui, assez, oui, oui, oui, encore. Il est encore sur les palmarès européens, mais pas français. Ah, oui, on l'en a mis un autre à la place. Ah, bon. Oh, grand pilote, on n'était pas grand pilote à cette époque-là, puisqu'il n'y avait pas de brevet de pilote. Les brevets de pilote ont été distribués à partir de 1908, n'est-ce pas? Au petit bonheur, la chance, il faut pas t'y mettre. Non, absolument sans examen. Est-ce que Ferber, par exemple, a passé un examen de pilote? Pas du tout. Est-ce que Santos Dumont a passé un examen de pilote? Pas du tout. N'oubliez pas beaucoup volé. Ils étaient dangereux pour le public. Dans un meeting, on n'osait pas lâcher Charles Voisin, ni Santos Dumont, ni Tissandier, ni Ferber. Et maintenant, Madame Blériot, racontant que la première traversée aérienne de la Manche, ce fut moins un problème de vol que d'atterrissage. Ah, mais il a eu la plus grande difficulté de franchir la falaise, parce que chaque fois qu'il arrivait à hauteur de la falaise, il y avait un vent de terre qui le replaquait. Alors il a dû chercher une faille dans la falaise, et pour faire un atterrissage un peu dur, alors évidemment le train d'atterrissage a souffert un petit peu, et l'hélice. Et alors Fontaine l'attendait là, avec ce fameux drapeau. Alors quand mon mari est arrivé, il est arrivé dans les plis d'un drapeau français. Et au même moment, l'amiral en chef de la flotte anglaise, qui était dans les parages et qui avait appris que Blériot avait réussi, et qui me faisait adresser toutes ses félicitations. Et les journalistes se sont précipités sur le You-You pour être les premiers à arriver à quai, à retrouver Blériot. Mais on s'est aperçu tout de même, on a pensé que j'étais là et que j'avais peut-être quelques droits à arriver avant eux. Alors ils sont descendus, c'est moi qui me suis embarquée. Et aussitôt, nous avons vu mon mari qui agitait son mouchoir et qui nous attendait, évidemment, avec la plus grande joie. Tout était réussi. Il avait fait ce qu'il voulait. Il était heureux comme un roi. Et alors, il fallait voir, être à bord, voir tous ces hommes se jeter dans les bras les uns des autres, se donner des bourrades. Il y en avait qui pleuraient, il y en avait qui riaient. Et quand on est seul de femme dans un moment pareil, eh bien, je vous assure, on ne sait plus quelle contenance avoir. Et c'est vraiment un moment très dur à passer. Oui. Très, très dur. Mais très beau. Un micro d'amateur était là aussi. Le jour où, près de Rennes, 4500 gitans évangélistes réunis en pèlerinage national ont entonné un vêtement blanc, un cantique naïf et joyeux comme leur foi, si entraînant qu'il a été depuis adopté par plusieurs orchestres on ne peut plus profanes, des orchestres de variété. Continuons par le vêtement blanc, chers frères et sœurs. Un vêtement blanc, une arme d'or, un beau palais. Et les fêtes foraines, un vrai paradis pour les chasseurs de sons. Encore faut-il savoir choisir. Mesdames et messieurs, si vous êtes venus sur la fête foraine, c'est certainement pour passer quelques minutes agréablement. Eh bien, mesdames et messieurs, ces demoiselles vont vous transporter pendant quelques instants sur nos grands boulevards parisiens. Montmartre, Pigalle, Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Là, ces demoiselles vont vous présenter une série de tableaux vivants. Rien que des scènes vécues, rien que des scènes réalistes. Et à cette séance, Si toutefois vous êtes amateur de rigolade parisienne, eh bien la pin-up 59-60. Jeune, belle et bien faite, dans un déshabillé ultramoderne, cette jeune demoiselle réserve pour les dames un numéro spécial. Et pour les messieurs, pour les messieurs, elle leur réserve une grosse surprise qui est un fou rire général et continuel. Eh bien, mesdames et messieurs, ce n'est pas tout. Êtes-vous amateur de spectacles de premier choix? Eh bien, c'est là que j'attire très attentivement votre attention. Le dernier succès de nos grands boulevards parisiens, le striptease, autrement dit, le déshabillé 59-60, tel que l'on vous le présente actuellement dans les établissements spéciaux de notre belle capitale parisienne. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois qu'il est peine inutile de vous en dire davantage, car vous avez dû comprendre que ce spectacle était réservé que pour les adultes, interdit au moins de 18 ans. Eh bien, la terre de tout vous est présentée par ces demoiselles en pleine scène, en pleine lumière, prise sur le vif et sur le naturel. Eh bien, mesdames et messieurs, à l'intérieur, vous n'attendrez pas, car nous avons du monde. Et plus vite que vous entrerez, plus vite que nous commençons. Ces demoiselles passent au théâtre, se déshabillent et le rideau lève à l'instant même. N'hésitez pas, c'est par ici l'entrée. Commencez, mesdemoiselles. Un jour de fête à Saint-Jean-Pied-de-Port, un bébé espagnol chantait d'une voix de stentor. Une petite fille de 3 ans, positivement portée par l'accompagnement des guitares et par l'enthousiasme de la foule. Un amateur passait par là, son magnétophone en bandoulière, et voici. À Bordeaux existe une crypte connue à la fois pour les momies qu'elle recèle et pour le guide qui les présente, une sorte de curiosité naturelle qui ne pouvait échapper aux chasseurs de sons. Ce sont des corps que l'on a découverts dans l'ancien cimetière autour de l'église Saint-Michel, conservés par la terre sans aucune préparation. Ils datent de 1500. Ils sont restés en terre 296 ans. Il y a 164 ans qui sont ici, conservés par la terre calcaire, ni baume, ni bandelette, c'est naturel. Un homme, l'œil dans les orbites, les veines sur les mains, les squelettes et la peau devenus complètement cuirs. Une femme conservée tout entière, une famille que l'on suppose être empoisonnée par des champignons de 6 personnes, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vu la contraction du visage, l'on voit qu'ils ont souffert, qu'ils sont morts d'une mort violente. Ce qui existe chez les enfants, c'est le cartilage des oreilles. Une négresse, les lèvres peu illuminantes, le front fruyant, c'est bien le trait du noir. Une perruque, c'est une fausse perruque, c'est un homme qui portait une fausse perruque. Un portefeuille, dans un pari qu'il aurait fait de porter un pouvoir au-dessus de ses forces, il gagna son pari et il se tua. Il a son cuir presque aussi épais qu'un cuir de bœuf. Un dur à cuire. Un général tué en duel, au dépôt de l'épaule, sa blessure. À celui-ci, on le présume, pour le général de Pressac. Là où la veine calcaire s'est arrêtée, les pieds et les jambes ne se sont pas conservés. La statue, la Vierge, l'Enfant Jésus, elle date du XIIIe siècle. Ici, autrefois, c'était une chapelle. C'est une chapelle romaine, c'est la statue de la chapelle. Les quelques corps que nous traversons sont sans aucun intérêt, c'est-à-dire plus ou moins conservés. Un jeune homme, que l'on suppose qu'il fut enterré vivant, d'une crise de catalepsie, ici par terre en restant d'un tout petit enfant, un homme qui a conservé sa langue, une femme que l'on suppose qu'elle est morte nourrice, vu la souplesse des seins qui n'existe pas chez une autre femme, elle a même conservé toutes ses dents. Dans toutes les circonstances qui viennent d'être évoquées, l'essentiel était d'enregistrer sur le vif, de capter une spontanéité disponible. Mais il est d'autres circonstances où la seule présence du micro fait fuir le naturel au galop. Que faire ? Cacher le micro, quitte à l'avouer ensuite à celui qu'on a enregistré à son insu et à soumettre l'enregistrement à sa censure. C'est ainsi qu'il y a 12 ans, des amateurs qui opéraient encore sur disque furent les artisans de prises de son indiscrètes mais finalement innocentes, que j'avais d'ailleurs intitulé « C'était pour rire ». L'un de ces enregistrements a fourni quelques lumières sur un problème somme toute assez mystérieux. L'état d'esprit, les mobiles, les intentions de l'homme prêt à engager sa vie matrimoniale par la voie des petites annonces. 41 ans, grand, distingué, très grande qualité de cœur, sensible, excellente éducation, goûts éclectiques, idées larges, prétention à l'absence d'égoïsme, situation, recherche, jeune femme 25-35, jolie, intelligente, gaie, pour amitié sans équivoque et discuter projet d'avenir basé sur loyauté et franchise absolue, mariage possible. Pour avoir publié ce texte dans un journal, un monsieur, effectivement grand et distingué, se trouva un jour devant une soi-disant candidate au mariage, Mathilde Kazetsu, et devant un micro caché qui enregistra notamment ceci. Je m'excuse, il faut que nous parlions un petit peu comme ça, à cœur ouvert, si nous voulons essayer... Mais remarquez, c'est pour ça que j'ai répondu à votre lettre, parce que vous y parlez d'une façon tout à fait franche, en disant, parlons d'abord d'amitié, n'est-ce pas, oui, de conversation, voilà, c'est tout. Naturellement. Contrairement aux très nombreuses réponses que j'ai reçues qui émanent de femmes plus ou moins équilibrées, c'est ahurissant. Ah oui? Ah, ahurissant. Ah, vraiment des... Oui, on sent très bien, n'est-ce pas, les gens, des femmes qui veulent se caser absolument à tout prix, au plus tôt, et faire une fin, etc. Oui, sans compter des lettres manifestement déséquilibrées. Ah oui, complètement. Oui, manifestement. Alors, forcément, j'ai fait une sélection, et je vous assure qu'il n'en reste pas beaucoup. Ah oui, naturellement, chacun a ses défauts. Écoutez, moi personnellement, j'ai mis cette annonce, remarquez, je ne l'avais pas plutôt mise, que j'ai dit tu fais une bêtise. Parce que je me suis dit, dans le fond, oui, si je veux trouver quelqu'un, c'est plutôt par relation que j'y arriverai, et puis, ma foi, qu'est-ce que vous voulez. Oui, vous connaissez peu de monde à Paris. Je connais peu de monde à Paris, j'ai mes parents à Paris cependant, mais mes parents sont d'une autre génération, forcément, on n'a pas les mêmes idées, les mêmes affinités morales, etc. C'est vrai que finalement, moralement, je suis très seul. Oui. Je ne suis pas libre encore. Vous êtes marié. Je suis séparé de ma femme depuis 3 ans et en instance de divorce. Et par conséquent, je ne veux pas attendre au dernier moment pour pouvoir faire connaissance de quelqu'un. Oui, naturellement. Mais vous sortez peu, évidemment. Je sors peu parce que j'ai un travail extrêmement absorbant. Une étape décisive a été franchie dans l'enregistrement avec le magnétophone autonome qui a rompu ce cordon ombilical du preneur de son qu'était le fil de raccord au courant du secteur. Né dans la cuisine d'un amateur, le magnétophone autonome est aujourd'hui l'objet de productions industrielles considérables et c'est encore aux amateurs, pour qui le fameux fil à la patte était la seule entrave réelle, que cette libération aura le plus profité. Par définition, ils pouvaient enregistrer n'importe quel son, n'importe quand. Désormais, il leur est donné par surcroît de le faire n'importe où. En bathyscaphe, par exemple, il est passionnant de pouvoir confier au fur et à mesure ses impressions à un micro, surtout quand la navigation sous-marine ne s'accomplit pas comme prévu. On est à moins 2000 mètres. Il a été décidé qu'avant de remonter à la surface, on irait se promener sur le fond à l'horizontale. En fait, le pilote, le commandant Houot, n'arrive pas à décoller. S'il ne l'a pas dit, il sait pourquoi. Il y a eu au cours de la plongée une avarie. Mais on est profane, on ne comprend pas, ou plutôt on comprend à retardement. Au plus fort de l'angoisse muette du pilote, on commente la situation sur un ton badin, et c'est quand le danger est presque dissipé qu'on commence à s'inquiéter naïvement. Quoique masqué partiellement par le bruit du sondeur à ultrasons, du distributeur d'oxygène et des autres appareils réunis dans une sphère exiguë et réverbérante, ce passage décalé de la désinvolture à l'anxiété est sensible, je crois, à l'oreille de l'auditeur attentif, et ce sont bien là de ces minutes de vérité qui ne se reconstituent pas. Enfin, il y a un petit peu d'imprévu, puisque le commandant Houot veut décoller et ça ne décolle pas. C'est bien exact, ça ne décolle toujours pas. Enfin, on n'en est pas à l'envasement définitif quand même. Jusqu'à présent, ça s'était vraiment passé comme un voyage touristique. Toujours pas ? J'ai largué les caisses à bonne sécurité. Non, là, vraiment ? Je peux larguer. Mais alors c'est vraiment sérieux ? Je peux larguer. Je le fais. J'ai tout d'un coup de réaliser qu'en somme vous avez eu tout de même, au moment où moi je présentais, un moment d'inquiétude, c'est pour ça que vous avez tout largué. Oui. Et alors maintenant on remonte. Oui. Maintenant, je ne peux plus arrêter la remontée. Comment ? Et maintenant, je ne peux plus arrêter la remontée. Et comment se fait-il qu'il y ait un tangage qu'on n'avait pas à la descente ? C'est toujours comme ça ? Parce qu'on va très vite. Parce qu'on va très vite. Le fugitif instantané sonore peut exiger une préméditation attentive et une longue patience. La notion de prix sur le vif fait alors place à celle d'expérience sonore et il se confirme qu'il y a des travaux d'enregistrement insensés et à la fois plein de sens qui ne peuvent être le fait que des amateurs. Ainsi, faire passer 500 000 fois devant la tête de lecture d'un magnétophone une boucle de bande portant les mots combien de fois et constater qu'entre le premier et le 500 millième passage, il n'y a pas de différence appréciable, donc que la bande magnétique ne s'use pas, du moins à la reproduction. Nous entendrons successivement le premier, le 100 millième, le 200 millième, le 300 millième, le 400 millième et enfin le 500 millième passage. Écoutons. Combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois. Le résultat n'est pas entièrement négatif. Pour mieux saisir l'évolution, nous allons reprendre tour à tour le premier passage, puis le 500 millième, puis encore le premier, et ainsi plusieurs fois en alternant. Mais attention, la différence est petite. Elle réside seulement dans un léger accroissement du bruit de fond. Combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois, combien de fois. Patience également la mise au point par le même amateur, M. Joseph Maurice Bourreau, d'un système d'amplification qui devait lui permettre de faire entendre divers sons pratiquement ignorés de notre oreille. Écoutez-vous la plume quand vous écrivez? Si la chaleur vous fait absorber un verre d'eau, voici ce que l'on peut entendre. Descendons encore. Nous trouvons une puce. Faisons-la sauter sur un couvercle métallique. Tous ces bruits, pour légers qu'ils soient, sont familiers. Voulez-vous entendre un langage plus étrange, celui que tiennent, sans relâche, les tas de bois? C'était un tas de bois quelconque, sans trucage ni préparation, croyez-le bien. Un simple tas de bûches qui, dans mon grenier, attendait l'hiver. Une nuit, car le jour, hélas, est trop bruyant, une nuit, je fus interviewé avec mon microphone. Et voici ce qu'il dit, d'une voix certes bien faible, dominant à peine le souffle des lampes ou le bruit d'une automobile attardée, pour être finalement étouffé sous les récriminations des habitantes d'un poulailler lointain. Mesdames, messieurs, un tas de bois vous parle. Patience encore, les mêmes expériences d'amplification appliquées à la découverte de ce qui se passe dans un œuf de poule peu avant et jusqu'à l'éclosion. Et c'est le 20e jour. Il reste 8 œufs, numérotés pour les reconnaître. Or, le numéro 4, placé contre l'oreille, fait entendre un bruit léger. J'emprunte l'œuf un instant et le place dans une boîte chauffée, bien close, bien isolée des bruits extérieurs, en compagnie d'un autre microphone. Écoutons le numéro 4 au 20e jour. Quelques heures après, revenu à sa mère, il a provoqué une légère fêlure de la coquille. Désormais, il reçoit assez d'air pour se mouvoir un peu, pour chanter même. Et il frappe plus fort. Je l'emprunte de nouveau, le voici. Il respire. Son cœur bat. Encore 6 heures et le numéro 4 est devenu robuste. Il frappe énergiquement. Il a découvert l'efficacité du rythme. Il va naître. Encore un effort. La coquille se brise, les cris éclatent. Patience, enfin, ou plutôt, suite dans les idées, cette petite expérience à laquelle je me suis livré personnellement, en amateur, chez moi, avec mon magnétophone et avec mes deux filles, successivement. Depuis plusieurs années, je fais lire à chacune, chaque année, à la même époque, la page suivante d'un livre. Rapprochés les uns des autres, ces fragments de bande dans la continuité d'un récit donnent le film sonore de l'évolution d'une voix, d'une individualité. Voici le résultat de l'expérience réalisée depuis 1956 avec ma fille cadette lisant le début de « Amadou le bouquillon » de Charles Vildrac. Lecture à brûle-pourpoint, sans préparation ni répétition. Première page de « Amadou le bouquillon », première lecture avec des erreurs, 6 ans. Amadou le bouquillon, Charles Vildrac. L'évasion. C'était dans un village de pleine campagne, un dimanche d'avril, vers la fin de l'après-midi. Quelques boutiques de la grande rue étaient enfermées et comme il pleuvait, depuis le matin fermées, ah comme il pleuvait, depuis le matin qu'il faisait frais. Pour la saison, les gens se renfermaient chez eux et le village semblait désert. 7 ans. Il y avait pourtant une dizaine d'hommes qui jouaient aux cartes et parlaient haut dans le café de la Marie. Parmi ces hommes se trouvaient Cossu, le boucher du pays, et un camionneur auquel il offrait à boire. Ce camionneur venait de lui livrer 4 chevreaux de les fournis par une bergerie à 60 km de là. 8 ans. Lorsque le boucher recevait un bœuf, un veau, un mouton ou des chevreaux vivants, il les logeait avant de les abattre dans un hangar situé au fond d'une ruelle, assez loin de la boucherie. C'était là qu'il avait conduit les chevreaux, chacun ayant une longe de grosses ficelles nouées au cou. 9 ans. Mais en arrivant devant la porte de son hangar, Cossu avait constaté que celle-ci était fermée et qu'il en avait oublié la clé. « Eh bien, avait-il dit au camionneur, allons boire un coup. J'irai chercher la clé après. Les chevreaux attendront. S'ils s'enrhument, ce ne sera pas pour longtemps. Je les tuerai demain matin. » 10 ans. Il avait réuni les 4 longes et les avait attachées solidement au bouton de la porte. Tandis que les 2 hommes bavardaient devant une bouteille, les chevreaux bêlaient désespérément sous la pluie en tirant en vain sur leurs cordes. 3 étaient de biquette et les 4e à biquet. Il y avait une biquette blanche, une couleur tabac et la 3e noire et blanche était la sœur du petit mâle. Celui-ci était noir, mais le poil s'éclaircissait à partir du front et le museau devenait de velours fauve. Le bas des pattes avait la même couleur. Et 11 ans. La pluie tenace imprégnait peu à peu le pelage, criblait leurs petits museaux, les faisait frissonner. Toutes les chèvres détestent la pluie et les chevreaux, dont le poil est court, la supportaient plus mal encore. Maman, appelait la biquette blanche. Je voudrais rentrer à la bergerie dans le foin sec avec les autres, avec tout le troupeau, pleurait la blonde. Je me suis cognée 20 fois dans ce terrible cabanon roulant et j'ai mal à l'épaule, geignait la petite noire et blanche. Moi aussi, lui dit son frère, ça passera. Qu'est-ce que tu dirais si tu t'étais pris la patte entre deux planches comme ça m'est arrivé hier. C'était Pris sur le vif, anthologie de l'enregistrement d'amateurs français, une émission de Jean Thévenot, réalisée avec la collaboration de Henri-Vincent Dulaurier. Avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de plaisir, j'espère qu'ils seront partagés par nos auditeurs, ce documentaire qui, on l'a dit, est une véritable anthologie de l'enregistrement d'amateurs. Mais à mon avis, elle n'est pas complète. Car ce qui m'a frappé dans ce documentaire, c'est évidemment sa diversité, mais tous les documents sont soit pittoresques, soit amusants, attendrissants, émouvants. Quelquefois, ils constituent des témoignages sociaux ou historiques, mais jamais il n'a abordé le problème, l'aspect de l'application utilitaire du magnétophone. En effet, il y a des emplois qui tout à la fois sont purement individuels et purement utilitaires de l'enregistrement sonore. Mais même dans ce cas, le magnétophone, tout en ne sortant pas de l'usage privé, peut avoir des conséquences indirectes d'intérêt général. J'aimerais, si vous voulez, maintenant qu'on en fît rapidement l'inventaire. Il ne pourra naturellement être que partiel. Parce que, vous savez, au fond, la bande magnétique est présente un petit peu partout, notamment sur le plan industriel. Pensez que les cerveaux électroniques fonctionnent avec des bandes magnétiques. Nous en tiendrons donc à certaines applications, et pour qu'elles soient bien précises dans l'esprit de chacun, je vous propose d'en faire cet inventaire par rapport à ce que, peu après avoir fabriqué son premier phonographe, Edison a appelé son programme en 10 points, les 10 sortes d'applications qui lui paraissaient à l'époque possibles. Je vous le lis, le programme en 10 points. Premièrement, lettres et toutes sortes de dictées sans le secours d'un sténographe. 2. Livres parlants pour les aveugles. 3. Enseignement oral. 4. Reproduction de la musique. 5. Archives familiales, souvenirs divers et dernières paroles des mourants. 6. Tabatière et jouets sonores. 7. Horloge indiquant d'une voix claire quand il est temps d'aller à la maison, de préparer les repas, etc. 8. Conservation du bon accent des langues. 9. Utilisation pédagogique. 10. Fixation des conversations téléphoniques. Ce qui est frappant dans ces 10 points, c'est d'abord une certaine lucidité d'Edison, mais justement, c'est un manque de perspective quand même, car si les aspects utilitaires sont très développés, les aspects artistiques sont pratiquement absents, si ce n'est une seule mention à la musique. Et ceci est parfaitement normal. Tout au plus peut-on s'étonner que cet esprit prophétique à tant d'égards n'ait pas su prévoir les développements de la technique qu'il avait mise au point. Mais si on se replace dans les perspectives qui étaient les siennes, il ne faut pas tellement s'en étonner. En effet, le premier phonographe d'Edison était un appareil tour à tour enregistreur et reproducteur, un exemplaire par un exemplaire. Il n'y avait pas la possibilité de tirage industriel de plusieurs copies à partir d'une matrice unique, comme on le fait maintenant avec le disque. Et c'est bien pourquoi il n'a pas pensé au disque que, entre parenthèses, Charles Cross avait, d'une manière évidemment purement littéraire, et surtout littéraire, envisagé même avant lui. Donc il ne faut pas s'en étonner. Il s'est forcément limité à l'utilisation immédiate et individuelle. Eh oui, mais sur ce plan, il ne s'est pas tellement trompé, car bien des emplois prévus par lui, qui avaient été complètement éclipsés quand il n'y a plus d'appareil individuel, se trouve maintenant très répandu depuis que le phonographe a été remplacé par le magnétophone. Et comme il l'indiquait au premier point de son programme, il y a bien des bureaux où maintenant on dicte le courrier à un magnétophone particulier, bien fait pour ça. La dactylo écoute, tape à la machine, et quand je vous parlais d'usage privé, c'en est bien un cas, ça n'intéresse que deux, le patron et la dactylo, mais avec des conséquences indirectes d'intérêt général, peut-être que ça a modifié le rythme de telle ou d'industrie, commerce ou magasin ou bureau. D'autre part, il y a des gens qui font profession d'éloquence et qui servent pour se perfectionner, pour mettre au point leur discours, qui servent du magnétophone comme d'un miroir sonore, des avocats, des hommes politiques, des prédicateurs. Et puis, il y a des écrivains qui n'écrivent plus leurs livres, mais qui les parlent, qui les dictent, comme on dicte du courrier d'ailleurs. Et j'aimerais vous faire entendre le témoignage de celui qu'on peut considérer à la fois comme le pionnier et le plus fidèle utilisateur de cette technique, c'est-à-dire Marcel Alain, qui fut d'abord avec Pierre Souvestre, puis seul, l'auteur des fameuses aventures de Fantômas, ce personnage qui revient très sérieusement à la mode actuellement. Depuis plus d'un demi-siècle, et aujourd'hui encore, alors qu'il a 78 ans, Marcel Alain continue à écrire en parlant, toujours fidèle, même pas à un magnétophone, un appareil à cylindre, à son édiphone. Je continue, et l'on devrait dire, véritablement et franchement, qu'il y a eu trois auteurs dans ma vie. Il y a eu Pierre Souvestre, il y a eu moi, jusqu'à un certain point, et il y a eu énormément le dictaphone. Vous avez commencé donc quand à vous servir de cet appareil, et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'opérer de la sorte? Parce que vous avez commencé par écrire comme tout le monde avec votre plume. J'ai d'abord écrit évidemment des nouvelles avec ma plume, mais dès que nous avons commencé, Souvestre et moi, l'écriture de Fantômas, nous nous sommes aperçus qu'il fallait pratiquement donner un volume en 4 jours, et soit en le dictant à une dactylo, soit en le tapant nous-mêmes, c'était matériellement impossible. Nous avons connu, ou plutôt je connaissais le dictaphone, j'ai fait auprès de Souvestre une forte pression, et nous avons essayé tous les deux. Nous avons été enchantés, et ma foi, tout Fantômas a été dicté sur dictaphone. C'est-à-dire combien de volumes au total? Au total, 44 volumes, 32 avec mon pauvre Pierre, et 12 tout seul. J'écris en ce moment le 13e. Et quand vous écriviez en collaboration avec Pierre Souvestre, vous partagiez la totalité d'un même roman, ou comment est-ce que vous faisiez? Nous divisions les chapitres en chapitres pairs et chapitres impairs. Après quoi, nous tirions au sort celui qui prendrait les pairs et celui qui prendrait les impairs. Les chapitres étaient de même longueur, cela représentait 18 pages de machine à écrire. Et quand nous avions fait le tirage au sort, que nous savions quel chapitre nous tombait, nous échangions entre nous ceux des chapitres pour lesquels l'un de nous était plus qualifié. Si par exemple il s'agissait de choses de mer, je prenais le chapitre. S'il s'agissait de choses légales, Pierre Souvestre les prenait très volontiers, etc. Le système était facile et arrivait à des résultats assez bizarres, puisque pour nous y reconnaître, plus tard, il était entendu que dans la première page de chaque chapitre, moi je mettais le mot « toutefois » et Pierre mettait « néanmoins ». De sorte que nous disions couramment entre nous « Ah non, mon vieux, là, il y a une erreur et c'est un néanmoins, c'est à vous que ça retombe !» Et il n'y avait pas de discussion possible. Nous ne nous occupions aucunement de ce que l'autre avait fait entre les 8 chapitres que chacun de nous faisait. C'est-à-dire qu'une fois le tirage au sort fait, nous nous en rapportions au plan. Le plan était notre loi. Et les dactylos opéraient au fond comme on le fait maintenant dans les bureaux où il y a des magnétophones spécialisés dans la transmission du courrier à taper à la machine. C'est-à-dire que par casque, elles écoutaient ce que reproduisait le cylindre, puisque c'était toujours des cylindres. Oui, elles avaient, dès que nous avions dicté le nombre de cylindres voulus, n'est-ce pas, nous devions théoriquement arriver à dicter un volume en 3 jours et demi. Pratiquement, on mettait les 4 jours complets. Eh bien, chaque dactylo tapait ses rouleaux parce qu'elle savait les points où l'on avait repris, elle se rappelait et elle sautait le passage qui était mauvais, ce qui nous arrivait quelquefois. Ou alors des interruptions pour aller au téléphone. Si on n'avait pas arrêté le dictaphone enregistrait ce que l'on disait au téléphone. À la dactylo de sauter. Nous avions en somme des dactylos secrétaires et qui rendaient merveilleusement. Nous n'avons pas eu de difficulté de ce côté-là. Je n'en ai pas eu davantage depuis que je suis seul. J'ai une dactylo qui m'est fidèle depuis 20 ans et ma foi, elle travaille avec moi exactement comme si j'étais là. Un roman de Fantômas, donc, si je vous ai bien entendu, ça représente 16 chapitres. Et ces 16 chapitres eux-mêmes faisaient combien de rouleaux de cylindres? En principe, un rouleau de phono bien réglé doit faire 5 pages. Par conséquent, un chapitre de 20 pages fait 4 rouleaux. Ce n'est pas toujours exact, parce que le secteur électrique va à des modifications, par exemple aux heures de pointe où la tension baisse, et alors là, vous enregistrez moins de quantité sur un cylindre. Mais la différence est insignifiante, il s'agit d'une page ou de 2 pages. Par conséquent, comme nous suivions en paginant en haut des pages, nous savions si nous étions en retard ou si nous étions en avance. La grosse question était de livrer à l'éditeur des manuscrits qui soient exactement ce qu'il fallait pour tomber dans la limitation de pages qui nous était allouée. Tout ça était très précis, très prémédité, très organisé. Et ce qui vous a amené au dictaphone, c'est donc avant tout la nécessité d'aller très vite. Et c'était la méthode la plus rapide, semblait-il. Par ailleurs, en dehors des Fantomas, vous avez personnellement publié de très nombreux volumes. Combien ? J'en suis à mon 597e. Si j'avais du courage, j'en ferais 3 de plus pour en faire 600. Évidemment, ça représente une longue production. Et je peux dire que tout a été fait au dictaphone. Encore maintenant, je travaille souvent avec lui, moins parce que je produis moins d'inédits. Mais en ce moment, par exemple, où je travaille sur un scénario de film, eh bien, je dicte mes raccords, je dicte mes changements en indiquant le numéro du découpage. Et mon Dieu, ça va très bien et je n'ai aucune espèce de difficulté. Le gros avantage du dictaphone, c'est que il permet de voyager, car on l'emporte en voiture, et il permet de travailler la nuit. Un travail pressé, vous alliez jusqu'à 2h, 3h, 4h du matin, au besoin, on ne se couchait pas. Vous n'aviez pas besoin d'avoir la dactylo là. Vous étiez libre et indépendant. Et vous êtes resté au dictaphone. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au magnétophone? Parce que j'ai toute une installation. Le dictaphone suppose une raboteuse, suppose des appareils répétiteurs. J'en ai, je crois, 5, plus un qui est plus ou moins bon. Enfin, mettons 6, plus celui dont je me sers, ça fait 7. Calculez la somme d'argent qu'il faudrait investir pour acheter des magnétophones. En plus de ça, je travaille toujours avec la même dactylo secrétaire. Elle a l'habitude de son appareil. Je ne crois pas que ça lui plairait beaucoup d'avoir un magnétophone. Elle serait affolée dans ses réglages savants. Mais est-ce que vous n'éprouvez pas depuis un certain nombre d'années des difficultés pour vous approvisionner en cylindres? Car vous ne m'avez toujours pas dit, à partir de quand avez-vous eu ce dictaphone? Écoutez, le premier Fantomas a dû être écrit en 1911. Mettez que nous ayons commencé, j'ignore le bois, mais mettez que nous ayons commencé, il me semble, vers février-mars, quelque chose comme ça. Nous avons dû nous mettre au dictaphone vers mai ou juin, c'est-à-dire très rapidement. Et depuis, ça n'a plus arrêté. Bon, mais depuis, il y a eu de grandes évolutions dans la technique de l'enregistrement, donc on est passé au magnétophone, et il vous faut de nouveaux cylindres. Comment est-ce que vous faites pour en trouver? On en fabrique encore? On n'en fabrique pas, mais il y a des ventes où l'on trouve des cylindres. Et puis, il ne faut pas croire qu'un cylindre s'épuise vite. Un cylindre supporte 70 à 80 rabotages quand ils sont bien faits. Par conséquent, ça dure longtemps. Admettez que j'ai marché avec un capital cylindre qui m'était personnel de 200. Quand mon pauvre Sylvestre a disparu, j'ai eu les 200 rouleaux à lui. Je me suis donc trouvé devant un capital de 400 rouleaux, multiplié par 80. Et puisque l'on fait 80 rabotages, et vous voyez que ça fait encore un grand nombre de cylindres. Maintenant, j'ai des rabatteurs, j'ai des réparateurs, qui je dis, quand vous verrez passer des cylindres, n'hésitez pas, hein, prenez-les moi. J'en ai ainsi. J'ai également des vieilles chansons enregistrées autrefois par les chanteurs de Cafcons. Eh bien, je les rabote et ils me font des petits cylindres trop courts, c'est entendu, mais qui sont très bien pour le courrier, pour une note en passant, pour une indication à donner. Mais dites-moi, les amateurs de documents d'incunables, pourrait-on dire, de l'enregistrement sonore, et les amateurs du Cafcons en particulier, vont être scandalisés d'entendre ce que vous venez de dire, car en somme, vous détruisez, je reprends le mot, des incunables. C'est exact, mais je suis passé à l'état d'incunable puisque l'admirable phonothèque, que l'on ne connaît pas assez, m'a demandé dernièrement des rouleaux pour les conserver, ce qui m'a beaucoup flatté. À ce qui paraît qu'il y a des personnes qui viendront demander à entendre ma voix. Je leur souhaite bien du plaisir, j'ai toujours chanté faux. Je ne sais pas comment je parle. Enfin, là, vous deviez dicter un chapitre de Fantomas dans ce que vous avez donné à la Phonothèque nationale. Et d'ailleurs, quand je disais que vous détruisiez des documents précieux du CAFCONS, je pensais aussi que vous avez détruit par vous-même énormément de vos textes, puisque vous rabotez toujours. Ah, tous ! Tous, je n'ai plus un texte à moi des premiers Fantomas, incontestablement, parce que les manuscrits qui ont été tapés d'après cela ont été remis à l'éditeur, et ma foi, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. En tout cas, je n'en possède aucun. Enfin, il reste les exemplaires imprimés et d'ailleurs réédités récemment. Écoutez, à mon tour, je vais vous demander si nous ne pourrions pas essayer de reprendre, d'une manière très, très artisanale, très, très simpliste, reprendre dans le cornet acoustique de votre appareil l'un de vos cylindres pour qu'on ait une idée de ce que vous pouvez dicter, de ce qu'entend la dactylo quand elle doit taper et ensuite donner le manuscrit pour l'éditeur. J'ai peur que vous n'ayez pas un bon enregistrement, parce que, en ce moment d'abord, à Andrézy, on est en train de faire des travaux électriques pour les nouvelles maisons que l'on construit malheureusement de tous les côtés, et le secteur est parfaitement irrégulier. D'autre part, les cylindres que j'ai ici sont plutôt des cylindres dont je ne me servais plus, car les bons sont en ce moment au travail chez Madakilo pour ce film dont je vous parlais. Enfin, on peut toujours essayer. C'est-à-dire, on va sans doute tomber sur un Fantomas, un chapitre de Fantomas, non ? Vous savez pas ? Certainement. Oh, certainement. Ce sont des Fantomas, des derniers Fantomas que j'ai là. Eh oui, les premiers ayant été rabotés. Oh, naturellement. Alors, on va faire un petit essai. Je précise, pour ceux qui connaissent ces aspects techniques, qu'on va tout bêtement mettre le micro du magnétophone d'aujourd'hui devant le cornet acoustique de l'appareil d'Edison d'il y a 53 ans. C'est cela. N'est-ce pas ? Alors, évidemment, ce sera forcément un petit peu nasillard, mais ça donnera un aperçu de la manière dont vous transmettiez vos textes sous la forme de dictée. Oui, ce qui peut intéresser mes confrères, c'est de savoir que, justement, en dictant à l'appareil, on est absolument libre d'entrer dans l'atmosphère du roman que l'on dicte. Il n'y a pas le souci d'une dactylographe présente, puisque vous êtes seul. Il n'y a pas l'ennui de la machine à écrire. Vous parlez, vous vivez vos scènes. Et je sais qu'à certains moments, je jouais, on peut dire, le roman, et je le continue, puisque de temps en temps, on me prévient que des domestiques écoutent aux portes et demandent si le roman se terminera bien ou se terminera mal, si la jeune fille épousera le jeune homme sympathique. Donc, vous êtes pris vous-même par l'ambiance et attiré. C'est vraiment un procédé charmant de travail. On va en faire la découverte, car pour beaucoup, je pense que ce sera une découverte. La jeune fille, il y a point d'interrogation. À la ligne. Elle aussi, trois points. C'est plus probable. À la ligne. Et nouveau, un silence règne. À la ligne. L'homme, pourtant, qui tout à l'heure demeurait nonchalamment étendu sur les moelleux coussins du divan, redressait la mouvement du souple. À la ligne. Eh bien, profitait-il. Si cette petite est morte, c'est dommage. Guy Erisman, je pense que vous et les auditeurs, pour n'être pas aussi entraîné que cette secrétaire qui, depuis 20 ans, a l'habitude de cet appareil, vous n'aurez peut-être pas tout parfaitement saisi dans ce court extrait que nous avons donné des cylindres de Marcel Alain. Mais enfin, vous avez remarqué que non seulement il dicte les phrases qui doivent être reproduites, mais il donne toutes les indications de ponctuation, de points, point virgule, à la ligne, etc. Remarquez, je crois qu'en le quittant, je l'ai tout de même décidé au magnétophone. C'est Francis Lemarque qui était, lui, converti depuis longtemps au magnétophone. Oui, comme beaucoup d'artistes d'ailleurs, car nous parlions tout à l'heure du miroir sonore pour ceux qui font métier d'être éloquents. Mais ceux qui font métier d'être des chanteurs, ils peuvent trouver dans le magnétophone un miroir sonore extrêmement précieux aussi. Et pour les compositeurs, un carnet de notes et de brouillons sonores. On pourrait les citer, je crois, par dizaines, rien qu'en France, tous les artistes de la chanson qui répètent par le magnétophone et les compositeurs qui s'essaient par le magnétophone également. Il va de soi que si le magnétophone sert pour prendre des notes de voyage, pour dicter des livres, pour servir de brouillon à des compositions musicales, il peut servir aussi à l'établissement de lettres, de la correspondance. Maintenant, de par le monde, circulent en permanence une correspondance sonore qui tend à devenir vraiment très importante. Au moment où nous parlons, on peut dire qu'il y a des avions qui, tout autour de la Terre, font circuler des bandes magnétiques qui, d'un point à l'autre du globe, permettent d'établir des liens d'amitié entre les gens, si tous les gars du monde, etc. Mais ça existe vraiment par la bande magnétique. Et des institutions internationales de correspondance sonore se sont créées pour faciliter les échanges entre tous les membres de ces associations de chasseurs de sons ou d'amateurs de l'enregistrement sonore. Et il y en a une qui nous est particulièrement chère, c'est l'Union mondiale des voix françaises, car il est arrivé un moment où on a compris qu'il y avait des gens de par le monde qui voulaient correspondre uniquement en français. Et je vais vous faire entendre Guy Serin, président international de l'Union mondiale des voix françaises, qui va nous donner toutes les explications au sujet de cette correspondance sonore en français. Mais Guy Serin habite dans le département de l'Hérault, c'est-à-dire pas tout près de Paris, où nous nous sommes, Guy Erisman. Et il ne pouvait pas venir pour notre émission. Alors, j'ai pensé à opérer de la manière suivante, qui, au passage, illustrera l'une des possibilités du magnétophone. Je lui ai envoyé les questions qui me semblaient devoir lui être posées, je lui ai envoyé par écrit. Il m'a répondu par bande, et puis alors, si vous voulez, sous vos yeux, je vais reposer les questions maintenant, puis on va tout remettre bout à bout, et vous aurez ainsi une interview faite à distance, et on peut le dire, par la bande. Alors, je fais comme si Guy Serin était devant moi, à la place de Guy Erisman, je passe d'un Guy à l'autre. Donc, Guy Serin, pourquoi et comment l'UMVF ? La diffusion du magnétophone ne cessant de se développer tant en France qu'à l'étranger, à présent on n'écrit plus une lettre, mais on la parle. De cette notion de correspondance sonore sur bande magnétique est née l'Union mondiale des voix françaises, l'UMVF. Cette association internationale, dont les activités s'étendent à présent à 20 pays répartis sur les 5 continents, a été constituée à l'initiative d'un Américain d'origine belge. Pour vaincre l'isolement où se trouve dans le monde de très nombreuses personnes d'expression française, en sa compagnie, nous avons eu l'idée d'utiliser ce moyen nouveau qu'était la correspondance sonore. Guy Serin, avec votre fougue de méridional et votre enthousiasme d'animateur, des chasseurs de sons, vous avez, me semble-t-il, anticipé quelque peu en disant « on n'écrit plus une lettre, mais on la parle ». Mais, en tout cas, vous avez certainement convaincu chacun, l'UMVF répondait à un besoin. Mais si vous nous avez dit pourquoi l'UMVF a été créé, vous ne nous avez pas encore expliqué comment. Pour réaliser son but, l'UMVF se devait d'avoir des moyens. Ces moyens, nous en avons trouvé deux. Sur le plan culturel, l'UMVF a organisé les tutelages. Ce service franco-international met en rapport un tuteur français, professeur occasionnel et bénévole, et un correspondant étranger pour l'aider à se familiariser avec notre langue. Ces tutelages sont vivement appréciés en Allemagne et en Amérique, où des millions de personnes étudient notre langue comme une langue morte. L'UMVF vient à leur secours, sort le français des livres, pour en faire une réalité vivante et un lien d'amitié avec la France. Sur un plan moins culturel, mais beaucoup plus humain et personnel, l'Union mondiale des voix françaises a organisé ce que, pour la totalité de ses membres, ce qu'un néologisme canadien baptisait les tours au ruban. Un tour au ruban, et c'est là le second de nos moyens, est une lettre sonore collective, toujours bien entendu en français, entre plusieurs personnes. Chacune enregistre la partie qui lui est réservée, l'adresse au correspondant suivant, et lorsque le tour est terminé, la bande revient à son point de départ pour repartir à nouveau. Après bientôt 4 ans d'existence, quelles sont vos conclusions provisoires ou définitives ? Je précise, sur quel plan l'UMVF a-t-elle été, est-elle, peut-elle être le plus efficace ? Certaines formes d'activité ont-elles plus de succès que d'autres, et dans ce cas, pourquoi ? Certains de vos projets ont-ils été contrecarrés par telle ou telle difficulté, prévues ou imprévisibles, et dans ce cas, avez-vous pu surmonter ces difficultés, ou au contraire, avez-vous dû abandonner ces projets ? L'Union mondiale des voix françaises s'est montrée d'une très grande efficacité dans le rayonnement de la langue et de la culture française au-delà de nos frontières. Comment voulez-vous, par exemple, qu'en Australie, un professeur de français d'origine australienne, ayant appris notre langue en Australie et n'étant jamais venu en France, puisse prononcer avec exactitude et intonation précise tel ou tel mot de français. Par le truchement de notre association, le magnétophone lui procure l'occasion de parler assez fréquemment le français de tous les jours avec M. Durand ou Dupont, français moyen. Ce qui est valable sur le plan universitaire l'est également, bien entendu, dans le domaine privé pour les amoureux de notre langue, pour les exilés établis dans des pays non francophones, proches ou lointains. Alors maintenant, dernière question, traditionnelle mais me semble-t-il nécessaire tout de même, quelles sont les activités nouvelles que vous envisagez ou que même vous avez déjà amorcées ? Eh bien, elles sont au nombre de trois. Si la voix est un second visage, elle ne remplace pas pour autant les diapositives en couleur. Voilà pourquoi nous venons de créer les tours au ruban audiovisuel. Chacun joint désormais à sa bande des diapositives illustrant ses propos. Ainsi, on fait la connaissance par l'image de son correspondant sonore, de sa famille, de sa maison, de sa ville ou de son village. La seconde nouveauté est constituée par la création des archives sonores de l'UMVF. Sur ces bandes, qui pourront circuler entre les membres, sont désormais conservées toutes les archives sonores de l'association, spectacles, émissions radio consacrées à l'UMVF, manifestations diverses, etc., ainsi que des envois directs réalisés à cet effet par les membres eux-mêmes. Nous disposerons ainsi, d'ici quelques années, d'une sonothèque importante contenant des documents sonores inédits et d'un grand intérêt sur le plan international. Enfin, depuis le mois d'avril dernier, Paul Robert, notre secrétaire général pour l'Europe, a mis en circulation la troisième de nos activités nouvelles, les deux premiers numéros de notre magazine sonore. La formule obtient un très vif succès et à la rentrée, ces magazines sonores seront mensuels. Guy Erismann, je vous propose un petit retour en arrière, c'est-à-dire au mois de mars et au Festival international du son au Palais d'Orsay. Il y a eu, dans un ensemble de séances de présentation, là encore d'anthologie de l'enregistrement d'amateurs, une séance entièrement consacrée à l'Union mondiale des voix françaises. Paul Robert et Guy Serin ont été les présentateurs de cette journée et ils ont fait entendre quelques messages qui avaient été enregistrés spécialement dans des pays parfois fort éloignés de la France à l'intention et à l'adresse des visiteurs du 6e Festival international du son. Bien que l'événement soit déjà un peu lointain maintenant, je crois qu'il est intéressant de reprendre quelques-uns de ces messages parce que ça vous donnera d'une manière très concrète un aperçu de ce qu'est la correspondance sonore et de tout ce qu'elle apporte à ceux qui la pratiquent. Alors je vous propose d'abord un anglais, et je ne vous en dis pas plus, chacun va se présenter soi-même, se situer. Alors un anglais. Bonjour mes amis. D'abord, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Williams, je vis dans le Yorkshire, en Angleterre, et je suis tout simplement un voyageur de commerce. Je suis donc, comme vous voyez, une personne très très ordinaire. En effet, si vous voulez, je suis l'anglais moyen. J'ai le caractère assez simple, je pense, et mon seul désir est de passer ma vie avec ma femme, avec mes enfants, avec mes passe-temps aussi, dans des conditions calmes, stables et paisibles. Et à vrai dire, je m'intéresse très très peu à la politique, ni aux grands problèmes internationaux. Et certainement, je n'éprouve aucun désir de faire fortune. Et si je pourrais passer pour un homme de bonne volonté, tant mieux. Mais il y a quelques années, un certain désir commençait à me monter de plus en plus à l'esprit. Le désir de me mettre en contact avec d'autres personnes moyennes à l'étranger. Et ceci, je suis arrivé à faire sous les auspices de l'Union mondiale des voix françaises. Je me suis fait des amis partout, des amis sincères et des amis qui, en ce moment, m'accordent le plus grand honneur de ma vie. L'honneur de vous saluer tous au nom d'un anglais moyen et de vous souhaiter le bienvenu à ce grand 6e Festival international du son. Mes amis, je vous porte un toast. En effet, je vous en porte plusieurs. D'abord, naturellement, au succès de ce grand festival. Et en deuxième lieu, à l'amitié internationale entre les hommes de bonne volonté de n'importe quel pays, de n'importe quelle race. Et finalement, mes amis, à l'homme ordinaire, the man in the street, comme nous disons en anglais, c'est-à-dire à vous et à moi. Maintenant, une voix qui vient de bien plus loin, puisqu'il s'agit du Japon, et de Mademoiselle Kazuko Nishioka. Bonjour, chers amis. Ici, c'est Kobe, Japon, qui se trouve à 20 000 km de la France. Kobe est la ville jumelée à Marseille. La distance de 20 000 km donne le décalage horaire de 8 heures. C'est-à-dire, si vous avez 17 heures maintenant, par votre montre, j'ai ici 1 heure du matin. Mais c'est lendemain. Nous sommes en avance de 8 heures. Kobe se trouve à 34 degrés de latitude. Cet hiver, et le vent du nord froid souffle. Mais ce qui est agréable est que nous avons du soleil même en hiver. Pendant la journée, la température monte jusqu'à 7 degrés, mais le soir, cela descend jusqu'à 3 degrés. S'il pleut à Kobe, dans le nord du Japon, il neige. Mais dans le sud, il fait plus doux, comme dans le midi de la France. Pour nous, les Japonais, qui parlons une langue si différente que le français, c'est extrêmement difficile de parler une langue si belle et si riche, comme il faut en pensant à la grammaire et tout. Si on néglige de la pratiquer, on la perd très vite, mais d'entendre le français vivant et de forcer de le parler aide beaucoup à le retenir. Grâce à la correspondance sonore, je n'ai pas seulement l'occasion de la rafraîchir, mais d'entendre les sons rares. Cela m'emmène déjà au voyage du monde. En parlant comme cela, dans mon cœur, il n'existe plus la distance qui sépare entre la France et le Japon. Ce qui la couvre est l'amitié. C'est un pont. C'est cela qui me fait possible de voir avec les oreilles. Mais oui, en écoutant la correspondance sonore, je vois les choses. Elle m'a montré comment il fallait voir avec les oreilles. Au revoir, chers amis. Mes amitiés du Japon. Dernier exemple des messages spéciaux de membres de l'UMVF à destination des personnes réunies à Paris pour le Festival international du son. Pour ce dernier exemple, je ferai comme Paul Robert et Guy Serin l'avaient fait au Palais d'Orsay. Je ne vais pas du tout vous dire de quoi il s'agit, pour vous en laisser la surprise. Говорит секция звукозаписи Ленинградского джаз-клуба. Дорогие друзья, добрый день. Приветствуем от имени всех ленинградских любителей магнитофонной записи 6-й международный фестиваль звука в Париже. Секция любителей магнитофонной attention, записи attention. Ici parle le studio d'enregistrement sur bande du jazz-club à Ленинград. Chers amis, bonjour. Au nom des amateurs d'enregistrement sur bande de magnétophone, nous saluons le 6e Festival du son à Paris. Le studio d'enregistrement de notre jazz club s'intéresse aux œuvres de jazz les plus remarquables, jouées par différents interprètes, autant étrangers que soviétiques. Notre but est de cultiver la richesse musicale de notre époque et de populariser les nouvelles tendances de la musique de jazz. Nous espérons que le 6e Festival International du Son, ainsi qu'un échange constant d'enregistrements, nous ferons mieux connaître nos amis, permettront d'améliorer la qualité de nos enregistrements et nous ferons mieux connaître la culture des peuples qui nous entourent. Ce rapprochement culturel servira sans aucun doute la cause de l'amitié et de la paix dans le monde entier. Effectivement, Jean Thévenot, ces messages sont amusants, pittoresques et même émouvants, car ils montrent combien les hommes peuvent se rapprocher grâce au magnétophone. Mais dites-moi, est-ce qu'il n'y a aucune difficulté à la circulation des bandes magnétiques ? En principe, aucune. Il suffit que chaque colis porte la fameuse petite étiquette verte qu'on trouve dans n'importe quel bureau de poste de n'importe quel pays du monde, spécial pour la douane, et qu'on écrive sur cette petite étiquette verte « bande magnétique enregistrée » ou « usagée » selon les pays. Enfin, vous comprenez, il faut qu'il y ait la notion que ça n'est pas l'exportation frauduleuse par-delà la douane d'une bande neuve, d'un produit négociable. Donc, « bande magnétique enregistrée ou usagée » sans valeur commerciale. Bien, je pense que c'est une précision intéressante. Guy Erisman, je vous propose maintenant de revenir aux 10 points d'Edison. Il n'a donc pas tout prévu, il s'est trompé dans certaines de ses prédictions, mais il a eu raison également dans certaines autres prédictions. En particulier, au point 9, rappelez-vous, il parle des utilisations pédagogiques du phonographe. Que voulait-il entendre par là ? Aucun autre texte de lui nous l'apprend, mais en tout cas, sur le fond et sur le fait, il ne s'est pas trompé, le magnétophone est présent à l'école, de plus en plus, dans tous les pays du monde, et il rend de très grands services. Et aujourd'hui, nous allons aborder cette question de diverses manières. Et c'est d'ailleurs un domaine que nous exploiterons prochainement dans une autre émission, grâce à la présence de M. Rouvert, qui est le chef de la division des moyens sonores de l'Institut pédagogique national. Alors, commençons à défricher le problème de l'utilisation du magnétophone à l'école avec M. Claude Gendre, qui est instituteur dans une école de Paris, très voisine d'ailleurs de notre maison, de la RTF, qui est déjà un utilisateur du magnétophone, ayant fait de nombreuses expériences depuis de nombreuses années. Ça fait combien de temps, M. Gendre, que vous utilisez le magnétophone à l'école ? Le vôtre, hein, sauf erreur. Oui, le mien. Eh bien, ça fait déjà presque 8 à 9 ans. Nous allons prendre quelques exemples qui seront complétés tout à l'heure avec Pierre Guérin. Premier exemple. Eh bien, si vous le voulez bien, je vais vous présenter un enregistrement que j'ai réalisé il y a déjà 4 ans dans ma classe avec un jeune enfant israélien qui venait tout droit de Tel Aviv et qui est arrivé dans ma classe sans parler absolument un seul mot de français. Il ne comprenait pas le français, il ne le parlait pas non plus. Et ayant un magnétophone, j'ai pensé qu'il serait bon d'utiliser le magnétophone justement pour lui apprendre la langue française. J'ai donc essayé d'enregistrer cet enfant dès le premier mois de classe, ou tout au moins les premières lectures qu'il a pu faire en français. C'est-à-dire quand il lisait sans même comprendre le sens de ce qu'il lisait. Exactement, et en annonçant, c'est-à-dire une lecture qu'on pouvait appeler syllabique. Ensuite, j'ai enregistré l'enfant et ses progrès. Et je crois que ça a été un des facteurs déterminants justement pour ses progrès, parce que ça lui a évité de se décourager. Il a entendu les progrès qu'il faisait et il s'est senti lire correctement le français de plus en plus. Et il est arrivé à la fin de l'année en parlant à peu près couramment. Dans le cas que vous nous présentez, le magnétophone est un élément de progrès, notamment par l'écoute qui est rendue possible pour celui qui a à progresser. Oui, je crois aussi qu'il y a également un autre facteur qui intervient, c'est que au lieu de me contenter, si vous voulez, simplement d'enregistrer l'enfant pour contrôler ses progrès, j'ai également travaillé la lecture avec le magnétophone. C'est-à-dire que à chaque enregistrement, l'enfant enregistrait d'abord une première fois sa lecture. La lecture était ensuite diffusée à l'ensemble des camarades de la classe qui rectifiaient les erreurs de leurs camarades dans l'ordre du texte et qui même notaient leurs camarades. Et ensuite, l'enfant ayant entendu les critiques amicales de ses camarades, enregistrait de nouveau son texte, en les corrigeant bien entendu, Ensuite, les deux enregistrements étaient passés à la suite l'un de l'autre, ce qui lui permettait déjà de contrôler immédiatement s'il avait fait un progrès par rapport à la première lecture. Alors, si vous voulez bien, puisque vous nous avez apporté votre bande, nous allons refaire tout cet itinéraire de votre petit Israélien. La première lecture se situe donc au moment où il débarquait et ne savait pas du tout le français. Pas tout à fait. Enfin, c'est-à-dire, il est arrivé dans ma classe au mois de novembre. La première lecture enregistrée date à peu près du mois de décembre, c'est-à-dire dans la deuxième quinzaine de décembre, un mois et demi après son arrivée en classe. La foule de skieurs venus pour assister à la course clame son enthousiasme et sa peur. Quelle est donc la de fou qui tend ce que qui donc est à ses maîtres de ses skis pour essayer de descendre une route glacée à côté d'un bob en pleine vitesse. La deuxième lecture, maintenant, date à peu près du mois de janvier, fin janvier, début février. Environ 2 mois après la première. Maya, la belle prisonnière de l'araignée. Alors, une colère terrible, comme elle n'en avait encore jamais éprouvé, la saisit. Elle poussa ce cri de guerre sonore et irrité que tous les animaux connaissent et craignaient. Oublia sa frayeur et son chagrin et ne pensa plus à rien d'autre qu'à rendre sa vie le plus chèrement possible. La troisième lecture que vous allez entendre maintenant date du mois de mars-avril. Bibi et la cigogne. Au cours d'une excursion pendant les grandes vacances, Bibi rencontra la petite Stine qui gardait des oies dans le pré. Stine portait une petite robe courte rayée de bleu et rien de plus. Elle habitait tout le jour sous un buisson de sureau, c'est-à-dire quand il pleuvait. Sans cela, elle courait dans les prairies derrière ses oies, une baguette à la main. La nuit, elle était à la maison chez son père et sa mère. Pour rendre plus flagrant les progrès en lecture de cet enfant, vous avez eu l'idée, d'ailleurs, je crois, Jean Thévenot, quand vous avez diffusé cet enregistrement dans votre émission aux 80, de rapprocher le premier enregistrement qui date du mois de décembre du dernier enregistrement datant du mois de mai. La foule de skieurs venus pour assister à la course clame son enthousiasme et sa peur. Une rivière dans une chambre. George Sand, dans ses souvenirs d'enfance, raconte une scène qui s'est déroulée dans la chambre de sa mère. Un jour, j'ai joué dans sa chambre avec Ursule et Hippolyte. Voilà donc une utilisation probante du magnétophone dans l'enseignement. Mais Monsieur Gendre, y a-t-il d'autres utilisations ? Y a-t-il d'abord des procédés, dirions-nous, déposés, ou bien l'utilisation est-elle laissée à l'initiative des maîtres ? Eh bien écoutez, je ne crois pas qu'il y ait des utilisations, des procédés déposés. En général, l'utilisation est laissée à l'initiative des maîtres, et je crois que les utilisations du magnétophone dans l'enseignement sont multiples, et très nombreuses, et même encore inexploitées pour la plupart. Je crois d'abord que le magnétophone apporte dans la classe un climat, une ambiance qui n'existe pas dans une classe qui n'a pas de magnétophone. Parce que je crois que dans ces classes, si vous voulez, il n'y aura plus un maître qui parlera ex cathedra vis-à-vis de ses élèves, mais au contraire, un groupe de travail élève-maître, tous coopérant et tous se servant de l'appareil d'ailleurs, car j'insiste, c'est très important, il faut que les enfants se servent du magnétophone. D'autre part, on peut utiliser le magnétophone dans à peu près toutes les disciplines. Personnellement, dans ma classe, je l'utilise même pour les leçons de morale. Pour faire une leçon de morale, plutôt que de lire un texte, comme on le faisait dans l'ancien temps, ou même en prenant des procédés un peu plus modernes, sortir un article de journal de sa poche et lire l'article pour faire parler les enfants, J'utilise le magnétophone de la façon suivante. J'enregistre à l'avance des témoignages sur la sonde morale, par exemple une leçon de morale sur le travail. J'enregistrerai un témoignage, par exemple, d'un commandant de bord d'avion, d'Air France. J'enregistrerai également le témoignage, par exemple, d'un ouvrier boulanger, le témoignage d'un mineur, enfin le témoignage de différents travailleurs sur leur métier, sur leur travail. Et au lieu de lire un texte, je ferai parler ces témoignages. Et ensuite, avec les enfants, nous discuterons, nous ferons la leçon de morale ensemble. Il y a également d'autres applications que l'on peut utiliser, même en dehors de l'école, par exemple dans les œuvres péri- et post-scolaires, comme par exemple les colonies de vacances, où on peut enregistrer à l'avance des scénettes, on peut enregistrer à l'avance des chants et des danses, de façon à ce que les enfants, au moment où ils doivent chanter et danser, soient libérés de la diction, mais se contentent de mimer. On peut également... Le playback, en quelque sorte. On peut également enregistrer des instantanés sonores, des enfants pris à l'état, si je peux m'exprimer ainsi, naturel, sans préparation, et sans même qu'ils sachent que le micro est présent et enregistre. Et ça, je crois que ça peut être intéressant. C'est ce que j'avais essayé de faire dans un instantané sonore marque au cinéma, qui avait été enregistré dans une colonie de vacances au cours d'une séance de cinéma muet, où l'un des enfants parlait sans arrêt pendant les séances de cinéma. Oui, je me rappelle très bien d'ailleurs. Claude Jean ne le dit pas parce qu'il est modeste, mais ça a été l'un des grands prix du concours international du meilleur enregistrement sonore il y a 2 ou 3 ans. C'était formidable. Pour en revenir à la classe, je crois qu'on peut également l'utiliser pour faire des enquêtes sur le milieu. Quand on visite par exemple une ferme, quand on visite une scierie, quand on visite une usine, on peut également l'utiliser pour garder des documents. J'ai reçu cette année par exemple le commandant Croisil, le commandant du paquebot France, qui a passé quelques instants dans notre classe. Eh bien, si je n'avais pas eu de magnétophone, il aurait pu également visiter notre classe, mais je n'aurais rien gardé de cette visite. Et je n'aurais pas pu exploiter les renseignements qu'il a donnés aux enfants, et les conseils même qu'il a donnés aux enfants. Alors qu'avec le magnétophone qui m'a permis de conserver justement tout ce qui avait été dit ce jour-là, ça m'a permis d'une part, quelques temps après, d'écouter de nouveau les conseils, par conséquent de fixer ce que le commandant a dit dans l'esprit des enfants. Et ça me permettra l'année prochaine, au cours d'une leçon sur une leçon de géographie, par exemple sur la marine, d'exploiter de nouveaux documents une autre année et ainsi de suite. Et je crois que c'est là l'intérêt du magnétophone, c'est de pouvoir conserver. Et pour employer votre terminologie, ça vous permettra dans l'instant de l'exploiter au bénéfice de nos auditeurs. Mais auparavant, Claude-Jean, je voudrais vous poser 2 questions. Est-ce que vous avez le sentiment que quand les enfants deviennent intervieweurs d'un visiteur tel que le commandant Croisy qui vient dans une classe, est-ce qu'ils parlent d'une manière plus intéressante quand ils savent que c'est enregistré plutôt que quand ça ne l'est pas? Première question. Deuxième question, est-ce que une fois que l'enregistrement est acquis et qu'il doit être réutilisé, comme vous disiez, est-ce qu'il fait le même effet pour les enfants qui ont participé à l'enregistrement et pour ceux, mettons, qui viennent dans la même classe 2, 3, 4 ans plus tard, qui l'entendent et qui n'ont pas participé à l'enregistrement? Eh bien, je vais d'abord répondre à votre première question. Les enfants, quand ils se savent enregistrer, mettent un point d'honneur à parler correctement et surtout à poser les questions à la forme interrogative. Bon, donc le magnétophone est toujours autocorrectif. Il est toujours autocorrectif, surtout quand on ne prépare pas les questions d'avance. Par conséquent, les enfants n'aiment pas s'entendre mal parler et en général, quand l'un des enfants a mal posé une question, il veut immédiatement qu'on la coupe après. Bah, c'est comme nous à la radio, d'ailleurs. Et ensuite, je répondrai à votre deuxième question. Je crois que l'effet n'est pas le même. Si le document est exploité avec la même classe, les enfants, bien entendu, aiment s'écouter, c'est humain. Ils aiment entendre ce qui a été dit, les questions posées et la réponse faite à leurs questions, à leurs propres questions. Et ils aiment aussi reconnaître la voix du camarade qui pose une question. Voilà déjà, si vous voulez, une exploitation. L'exploitation l'année d'après est totalement différente. Les enfants sont également très intéressés. Mais ils sont intéressés, si vous voulez, ça les stimule. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah, mais les camarades de l'année d'avant ont fait ça, eh bien nous, on voudrait faire la même chose, on voudrait le faire avec quelqu'un d'autre. » Oui, c'est d'un autre ordre. Vous voyez, l'exploitation n'est pas la même, la réaction des enfants non plus n'est pas la même. Pour l'instant, on pourrait peut-être, avant d'entendre cet enregistrement réalisé dans votre classe avec le commandant Croisy, se tourner vers les 2 élèves que vous avez très gentiment amenés à notre studio, c'est-à-dire Patrick Godard et Georges Mattioli. Tous les deux... Vous utilisez fréquemment le magnétophone en classe, Patrick? Oui. À peu près à quelle fréquence? Moi, je ne me rends pas très bien compte. Combien de fois par semaine, en gros? Est-ce que tu te rappelles? C'est peut-être pas pareil d'un bout de l'année à l'autre. Ça dépend quand on a des temps libres. Quand le programme de la classe est terminé, ben on s'occupe du magnétophone. Ou alors quand M. Jean a quelque chose à nous faire écouter, ben on s'occupe du magnétophone. Bon, alors, tous les deux, vous étiez présents à cette... non seulement présents, mais acteurs dans cet enregistrement du commandant Croisille. Oui. Tous les deux. Quel souvenir ça vous a laissé? Georges, toi, tu n'as pas encore parlé jusqu'à présent. Tu étais à quel poste à ce moment-là? C'est toi qui faisais tourner le magnétophone ou tu posais des questions? Je posais des questions. Et ça t'intéressait particulièrement d'avoir le commandant Croisille dans la classe? Est-ce que vous saviez d'avance qu'il devait venir? Oui, Monsieur Jean nous l'avait annoncé. Combien de temps à l'avance? 3 jours à peu près. 3 jours. Alors vous y aviez un petit peu réfléchi? Non, même non, pas. Non, on n'avait pas réfléchi. On savait pas encore quel était. On ne savait pas encore quel était le caractère de commandant Croisille et quelles questions fallait poser. Ah bon? Mais ça vous faisait un peu peur de savoir que vous auriez le commandant Croisille devant vous et ouais. D'avoir à lui poser des questions. Moi personnellement, ça m'intimidait un peu. Pourquoi? Il a l'air très gentil. D'après tout ce qu'on sait de lui, et on va le constater d'ailleurs en écoutant la bande réalisée à l'école. Mais je ne l'avais jamais vu auparavant. Ah, je pas ne vu, pouvais oui, pas comprends. Savoir comment il était. Mais est-ce qu'on vous avait déjà parlé du paquebot France? Est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que vous aviez lu? Patrick? Oui, parce qu'on avait assisté à la télévision à l'inauguration du bateau France. Oui, c'est vrai. Il y a eu le lancement en direct. Hein? Oui. Et on avait déjà entendu parler du commandant Croisille. Alors, quand on a appris cette nouvelle, on était très contents et... Parce qu'on n'est pas habitué à recevoir une personnalité aussi importante. Et vous vous êtes dit, je vais lui poser un tas de questions très intéressantes, un tas de choses que je voudrais bien savoir depuis longtemps. Oui. Mais vous avez mijoté ça chacun pour votre compte, dans votre tête, ou bien vous en avez parlé même entre vous avant? Entre vous tous dans la classe, non? Oh ben moi, j'avais quand même cherché un peu dans ma tête. Dans ta tête, oui. Uniquement? Dans des bouquins aussi? Oh non. Non. Oh non. Et pas avec les copains, vous n'en avez pas parlé? Si on descend dans la récréation, ben on en parlait, quoi. Et après avoir entendu le commandant, est-ce que vous avez envie d'être marin? Je me rappelle que quelqu'un dans la classe, je crois, avait fait la réflexion qu'il voulait être marin, lui aussi. Alors, je crois qu'on a déjà un petit aperçu très concret de la manière dont les choses se passent quand on reçoit quelqu'un comme le commandant Croisille et que nous allons pouvoir passer à l'écoute de la bande, à moins que vous ayez tous les deux encore d'autres choses à dire sur le magnétophone et ce qui vous apporte... dans votre classe, non? Passons à l'écoute de la bande enregistrée lors de la visite du commandant Croisille. Claude Gendre, à vous de nous la présenter. Alors, elle se compose, si vous voulez, de deux parties. Le commandant Croisille, en effet, quand il est arrivé, a parlé aux enfants, car les enfants qui sont dans ma classe sont, si vous voulez, les enfants qui ne sont passés ni au lycée, ni dans les collèges d'enseignement général. Par conséquent, ce sont, si vous voulez, des élèves un peu des parias, si vous voulez, j'exagère peut-être un peu, mais enfin, par rapport aux autres enfants de l'école. Et la visite du commandant Croisille avait justement pour but de leur remonter le moral, en quelque sorte, et de leur montrer que on peut arriver à quelque chose, et même leur classe peut très bien recevoir quelqu'un qui est célèbre et qui est très connu. Eh bien, voyez-vous, mes enfants, vous êtes ici tous pour travailler, pour apprendre tout ce que vos maîtres veulent bien vous enseigner. Mais vous savez, il y a un proverbe en anglais qui dit qu'on peut mener un cheval à l'abreuvoir, mais qu'on ne peut pas le faire boire. Votre maître et votre directeur, ici, dans votre classe, vous mènent à l'abreuvoir de la science, à l'abreuvoir des connaissances, mais ils ne peuvent pas vous faire boire, c'est vous qui devez boire. Et ayant bu, il faut essayer d'assimiler ce que l'on vous aura donné et de vous en souvenir. Parce que, quelle que soit la difficulté qu'on peut avoir quand on a votre âge, du fait de la situation matérielle de ses parents ou du fait des conditions dans lesquelles on vit, il y a toujours de l'espoir si l'on travaille. Lorsque j'avais votre âge, je dois dire que je n'ai pas été un très bon élève. Et puis un beau jour, je me suis trouvé dans des conditions qui étaient un peu voisines des vôtres du fait de la guerre. Et je me suis préparé un examen et je dois dire que je n'y ai pas été reçu. Comme je voulais absolument être reçu à cet examen, j'ai décidé à ce moment-là de partir naviguer dans des conditions assez difficiles puisque j'étais mousse. Et vous savez, c'était en 1925, par conséquent, vous voyez que ça fait 38 ans. Quand on était mousse il y a 38 ans sur un bateau, ce n'était pas toujours une situation de tourpeau, croyez-le bien. Mais j'ai appris beaucoup de choses pendant ce temps où j'étais mousse. J'ai appris en particulier que dans la vie, on ne serait pas toujours protégé par quelqu'un. Et qu'il fallait apprendre à se défendre soi-même. Et que la meilleure façon de se défendre était de s'armer contre l'extérieur. Et pour s'armer contre l'extérieur, quand on a votre âge, il n'y a qu'une seule manière, c'est d'apprendre. De façon à pouvoir s'en servir plus tard. Donc tout ce temps pendant lequel j'ai été mousse, novice, puis matelot, m'a beaucoup servi parce que ça m'a aguerri au point de vue moral. Et j'ai décidé d'apprendre et de travailler. Alors que jusqu'à ce moment-là, je m'étais un peu fié à mes parents pour ça. Donc, j'ai fait mes économies, j'ai mis l'argent que je gagnais de côté pour retourner ensuite en classe. Et à ce moment-là, lorsque j'ai reçu retourner en classe pour la deuxième fois, ayant été averti par la vie elle-même qui m'avait envoyé un coup de semonce pour me dire « Fais attention, tu t'es présenté un examen, tu n'as pas été reçu et par conséquent maintenant tu ne peux pas avoir une situation aussi importante que tu aurais pu l'avoir puisque tu n'es que mousse parce que justement tu n'as pas eu ton examen », j'ai fait très attention et je dois vous dire que j'ai très bien travaillé, je n'ai eu aucune difficulté à rattraper le temps perdu et j'ai pu passer mes examens par la suite. Alors j'ai tenu à vous dire ça avant de commencer pour que vous vous rendiez compte que quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve à un certain moment de sa vie, il n'y a absolument pas de raison qu'avec du travail, de la persévérance et de la bonne volonté, on n'arrive pas à préparer ce que l'on a l'intention de préparer. Deuxième séquence. Alors après ces quelques mots du commandant Croisil, les enfants se sont tous approchés de lui, ont formé un demi-cercle autour de lui, et cette fois-ci, on a procédé à l'interview proprement dit, par les élèves d'ailleurs, qui tour à tour ont posé leurs questions. Quelles sont les études pour arriver à commandant ? Ah, eh bien alors là, il faut faire une distinction. Et il y a deux choses. Il faut d'abord faire des études pour être reçu capitaine au long cours, puisque en France, pour commander un navire, il faut être capitaine au long cours, il faut être titulaire du brevet de capitaine au long cours. Ensuite, quand on a passé les examens de ce brevet de capitaine au long cours, il faut rentrer dans une compagnie de navigation où on avance en grade petit à petit et où on finit par devenir commandant, parce que, bien entendu, on ne débute pas comme commandant. À quel âge avez-vous commencé à être mousse ? Eh bien, je suis parti en mer pour la première fois pendant les vacances de Noël en 1925. Alors, vous voyez, c'était même Noël 24-25. Et je suis parti pour être mousse après l'année scolaire 1924-25, c'est-à-dire au mois de juin. Et comme je suis du mois de septembre, vous voyez, je n'avais pas tout à fait 17 ans. Commandant, quels sont les bateaux que vous avez commandés ? Oh, ça, c'est une liste assez longue, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne commence évidemment pas dans la vie comme commandant. Par conséquent, j'ai été dans les grades inférieurs. Et puis, quand je suis parti commander pour la première fois, c'était en 1947 que la Compagnie Générale Transatlantique m'a confié pour la première fois le commandement d'un navire. Alors, j'ai commandé une bonne douzaine, dirais-je, de navires de plus en plus importants, mais qui étaient des cargos. Et puis alors ensuite, en 1956, je crois, j'ai été nommé commandant adjoint du Liberté. Et puis je suis devenu commandant de Colombie, d'Antilles, de Flandre, de Liberté, puis de France. Avez-vous déjà eu un naufrage dans la mer sur un bateau ? Eh bien, fort heureusement, non, je n'ai jamais eu de naufrage. Malheureusement, pendant la guerre, évidemment, j'ai eu l'occasion de voir des navires couler à droite et à gauche autour de moi. Mais le Seigneur m'a épargné et je n'en ai jamais été victime moi-même. Quelle est la différence entre la marine marchande et la marine de guerre ? Eh bien, la marine marchande est surtout organisée pour satisfaire les besoins économiques du pays, porter à l'étranger les marchandises que le pays exporte, ramener dans le pays les marchandises qu'il importe, qu'il achète à l'étranger, dans le cas de la France, par exemple, surtout des produits bruts à l'importation et des produits finis à l'exportation. Et la marine de guerre est, au contraire, là pour protéger la marine marchande, permettre à la marine marchande d'exercer son trafic et d'une façon générale protéger les côtes du pays auquel elle appartient en cas de guerre. Commandant, que veut dire seul maître à bord après Dieu ? Eh bien, c'est une expression qui vient du vieux temps et qui dit bien ce qu'elle veut dire, parce que on dit que le commandant est le seul maître à bord, ce qui est normal parce que chaque fois que l'on a affaire à une expédition dans laquelle il est nécessaire de prendre tout à coup et rapidement des décisions desquelles peuvent dépendre le bien-être et la sécurité des gens, il faut que celui qui est appelé à prendre ces décisions puisse le faire en toute quiétude d'esprit, c'est-à-dire en se disant que personne ne va venir contre ce qu'il a dit, de façon à ce qu'il garde sa pleine liberté d'esprit pour faire vraiment ce qui lui paraît le mieux. Par conséquent, il doit être le seul maître à bord. Et comme autrefois, encore plus que maintenant, on avait le plus grand respect pour les choses qu'on ne comprenait pas et qui étaient représentées d'une façon générale par la puissance divine, c'est pour ça que cette expression est devenue « seul maître à bord après Dieu », parce que le marin qui est habitué à faire face aux éléments et à un tas de choses qui ne dépendent pas de la volonté de l'homme, sait qu'il doit se plier à une volonté plus forte que la sienne, qui règne au-dessus de la sienne. Le capitaine, pour ça, est le seul maître à bord, mais après Dieu seulement. Combien y a-t-il d'hommes d'équipage à bord du France ? Eh bien, sur France, il y a un peu plus de 1100 hommes d'équipage. Là-dessus, il y a environ 90 hommes qui sont de la spécialité du pont, c'est-à-dire qui font marcher le navire, 160 qui sont de la spécialité de la machine, c'est-à-dire qui s'occupent des chaudières, des turbines, de la production et de l'utilisation de l'électricité. Ça fait 250, il en reste donc 850 qui sont au service des passagers. Commandant, un paquebot comme le France est révisé tous les combien ? Eh bien, c'est une révision perpétuelle. Parce que à chaque instant, on s'assure que tout marche bien, et si on a le moindre doute sur le fonctionnement du navire, il y a des hommes spécialisés dans chaque service qui peuvent remettre en état au fur et à mesure. Maintenant, pour répondre un peu plus spécifiquement à votre question, je vous dirais qu'il est prévu dans l'horaire d'un paquebot comme France, deux arrêts en cours d'année, un arrêt de 4 ou 5 jours, même 6 au milieu de l'été, et un arrêt de 3 semaines au milieu de l'hiver. Dans l'arrêt du milieu de l'été, on passe le navire en cale sèche, on nettoie la coque et la partie de la coque qui est immergée, ce qu'on appelle les œuvres vives du navire, et on les repeint de façon que la coque soit bien lisse et que le navire marche bien. Pendant l'hiver, au contraire, alors on fait des démontages importants, on répare les alternateurs, on visite les turbines, les engrenages, les réducteurs, et il arrive même qu'on change des hélices comme on vient de le faire dernièrement sur France. Est-ce qu'il y a eu déjà un incendie dans la France ? Eh bien, l'incendie est évidemment une chose qui nous préoccupe beaucoup. Et il y a pour ça des équipes qui sont habituées à combattre l'incendie, qui se trouvent à bord. C'est une chose que nous avons étudiée dans ses moindres détails, bien avant que le navire ne parte en mer pour la première fois. Nous avons déjà eu, nous avons régulièrement des alertes d'incendie d'exercice que nous provoquons de façon à voir quelles sont les réactions de tout le personnel, et ces alertes d'incendie sont faites suivant un programme bien établi, de façon qu'on ait étudié en pratique tous les endroits du navire. On a fait comme s'il y avait le feu dans tous les endroits du navire pour voir quelles seraient les précautions particulières à prendre. Alors, pour répondre à votre question, eh bien, au point de vue alerte réelle d'incendie, nous n'avons jamais eu d'alerte réelle qui vaille la peine d'être mentionnée. Avez-vous eu déjà des voyageurs clandestins ? Oui, bien sûr, j'ai déjà eu des voyageurs clandestins. En fait, j'en avais un au premier voyage du navire. Et c'était un clandestin qui n'était pas un vrai clandestin. En l'espèce, c'était un journaliste qui avait pensé qu'il aurait été amusant pour lui de faire un article à l'arrivée à New York en disant « J'ai été le premier clandestin du paquebot France ». Mais il n'a pas eu de chance parce que nous l'avons découvert avant l'arrivée à New York, et par conséquent, nous lui avons proposé soit de le mettre en prison, soit de lui faire payer son passage, de façon à ce qu'il devienne un passager. Claude Gendre vient donc de nous donner un premier aperçu des applications du magnétophone à l'école, mais comme il l'a dit lui-même, les emplois sont extrêmement divers, et nous allons en avoir une autre illustration grâce à Pierre Guérin, dont les activités en matière de magnétophone à l'école sont très nombreuses, durent depuis longtemps. C'est vraiment l'un des pionniers, sinon le pionnier en France. Pierre Guérin n'est pas là, il est au loin, notamment parce qu'il a été appelé en Bretagne par un stage de formation et d'information sur le magnétophone à l'école qui se tient chaque année. Alors, lui aussi se manifestera par une bande. Et je tiens, avant qu'on entende cette bande, à souligner que Pierre Guérin, parmi toutes ses activités, est notamment l'animateur du Centre international scolaire de correspondance sonore, qui accomplit un travail sur le plan scolaire, entre écoles d'une part et entre enfants d'autre part, dans le monde entier, analogue à celui de l'Union mondiale des voix françaises. Et un travail qui est même plus ample déjà, car il a commencé plus tôt. Je voudrais aussi souligner cet autre détail, c'est que le premier document que nous allons entendre est de Pierre Guérin lui-même, car aujourd'hui, donc, il est à la tête d'un tas d'organisations, et notamment, il fait partie du jury international du CIMES, du concours international du meilleur enregistrement sonore. Mais auparavant, il y a quelques années, il était encore concurrent. Et comme tel, il a été primé plusieurs fois, et notamment à propos d'un enregistrement tout simplement pris sur le vif, d'une scène très simple dans l'école où l'on emploie le magnétophone d'une manière active, l'arrivée d'un colis. Alors, je le signale à l'avance, quand cet enregistrement arrivera, on se dira, tiens, ça c'est de lui. La correspondance interscolaire avec échange de lettres manuscrites, de journaux imprimés par les enfants, de comptes rendus, d'enquêtes sur le milieu local, de dessins, etc., est une activité qui passionne les enfants et elle se répand de plus en plus. Quelle joie lorsque la classe reçoit un colis des correspondants. Monsieur Leroy, école primaire et cours complémentaire public de Port-Villon, Nouvelles-Hébrides. Contenu, coquillage, oursin, coraux pour musée scolaire. Monsieur, c'est les oursins. Tu vois? À notre époque, l'obligation de la coopération dans le travail, la nécessité de contact entre les hommes de races, de religions et de régimes politiques bien différents n'échappe à personne. Les éducateurs doivent préparer les citoyens actifs de demain à cette tâche, et la correspondance interscolaire est un des meilleurs moyens. Depuis plus de 10 ans déjà, l'enregistrement magnétique permet encore un élargissement de ces contacts, qui deviennent encore plus dynamiques, plus passionnants, plus émouvants, grâce aux qualités d'image sonore. C'est ainsi que par-dessus les montagnes, les océans et les déserts, se tissent des liens d'amitié entre les enfants mis en relation par le Centre international scolaire de correspondance sonore. Certains ont même eu, grâce à la radio-télévision française, la grande joie de se parler en direct. Plusieurs fois, une vaste conversation mondiale en multiplex s'est établie entre des écoliers de Mexico, de Nashville, de Montréal, de Tunis, de Varsovie, de Moscou, de Osaka. Une aventure merveilleuse, mais qui d'ailleurs n'avait qu'à peine étonné les enfants. Pour eux, l'exploit devient tellement quotidien. Qu'apportera le facteur demain? Peut-être des chants des camarades du Groenland. Si quand suit pas you tout, Kavanga shirangata, imatarangi visudut, siyoki utarangata, tungal katungas. Les bandes magnétiques échangées contiennent aussi des comptes rendus d'enquête, des interviews, des discussions entre enfants, parfois avec le maître, sur les sujets de l'actualité locale ou générale. Chez Francis, 9 ans, à Manerbe, dans le Calvados, est né un petit veau. Jeudi, on a vélé une vache. C'est quoi vélé, que ça veut dire? Sortir le veau de la vache. On l'a rentré à l'étable, on l'a attaché. Et puis, quand elle était couchée, papa a dit à la bonne qu'elle a cherché de l'eau chaude et du savon et un torchon. Puis comme l'eau et le savon, tout était là, il s'est lavé les mains, il a mis du savon, puis il a fouillé la vache. Il coule son bras dans la vessie, puis il cherche pour trouver le veau. Il coule pas son bras dans la vessie quand même? Dans une poche où est le veau? Oui. Puis après, la vache faisait que de se lever. Alors, on l'a laissé, puis on a attendu pendant 3 quarts d'heure. Puis après, elle s'est recouchée. Cherche le veau, puis alors, quand il tient avec sa main, il tire dessus? Non, il faut le laisser, parce qu'il vient jusque derrière sa mère. Et puis après, on prend les bagots, puis on l'attache. Puis avec un bout de bois, on tire dessus. Puis comme il est tiré, on le traîne et puis on l'amène avec sa mère. Puis sa mère le lèche. Votre vache était dure à vêler? Non, parce que comme on tire, elle a poussé. Alors le veau est venu tout seul. Elle devait être dure quand même, parce que normalement, une vache qui vêle, si elle n'est pas dure, on n'y touche pas du tout. Elle vêle toute seule. Et le veau était gros, s'il ne pouvait pas sortir. A-t-elle bien délivré? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire délivrer? C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et pour que les jeunes s'expriment correctement, il faut que l'éducateur leur offre un monde d'occasion de s'exercer et de contrôler leur élocution. Tout le contenu des bandes envoyées aux correspondants est une partie de ces occasions, et la motivation à l'effort et à la qualité est extrêmement puissante. Bien sûr, il y a parfois des difficultés. Écoutons par exemple Michel raconter ses malheurs à son ami lointain. Un samedi, j'ai eu un accident dans le parc. J'étais en train de jouer avec Gobry à faire des pirouettes. Et puis il y a le Richard Vaugin qui m'a pris par le cou, puis il m'a fait une prise de judo. Je suis tombé la tête contre l'herbe. Puis j'étais à moitié étourdi. Puis nous apprenons à téléphoner à l'hôpital pour qu'on m'emmène. Ils sont venus me chercher. Et puis je suis parti à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je me suis déshabillé, je me suis couché. Et puis, le lendemain, j'ai demandé à quel hôpital que j'étais. Je ne savais même pas à quel hôpital que j'étais. À quel hôpital j'étais, reprends, je ne savais pas. Je ne savais pas dans quel hôpital que j'étais. Non, pas que j'étais, reprends. Que je ne savais pas dans quel hôpital que j'étais. Je ne savais pas dans quel hôpital que j'étais. Dans quel hôpital j'étais? Non, je ne savais pas dans quel hôpital j'étais. Il pourrait recommencer en essayant de ne pas tomber dans les mêmes ornières, car il faut aboutir à une réussite. Mais on coupe, on déplace les groupes de mots, et hop, l'obstacle est vaincu. Grâce au montage, on peut envoyer un récit un peu plus correct et tout aussi vivant. La prochaine fois, Michel comprendra mieux ce qu'on attend de lui. Un samedi, j'étais en train de jouer avec Gobry à faire des pirouettes. Le Richard Vaugin m'a pris par le cou, m'a fait une prise de judo. Je suis tombé la tête contre l'herbe. J'étais à moitié étourdi. Mais nous apprenons à téléphoner à l'hôpital pour qu'on m'emmène. Arrivé à l'hôpital, je me suis déshabillé, je me suis couché. Je ne savais pas dans quel hôpital j'étais. Comme dans chacun des sujets que nous aurons abordés aujourd'hui, nous n'avons pas à l'instant fait le tour de la question, pour la bonne raison que l'ensemble est devenu beaucoup trop vaste et trop complexe. Tout de même, je voudrais ajouter, en ce qui concerne le magnétophone à l'école, que parmi ces applications non illustrées jusqu'à présent, il en est une qui tend à prendre une grande extension. C'est la jonction de l'image et du son. L'image étant toujours fournie par des vues diapositives en couleur, des projections murales, et le son tantôt par la bande magnétique, tantôt par le disque. Et cette jonction sur le plan pédagogique est d'une importance capitale. Car lorsque l'attention, l'intérêt de l'enfant sont sollicités de deux manières différentes, mais convergentes, additionnées, on peut être sûr qu'il en restera quelque chose beaucoup plus sûrement que quand l'enfant s'est simplement penché sur un livre plus ou moins ingrat, ou quand seulement il a dû écouter le maître. Vous abordez ce problème sur le plan pédagogique, mais c'est le voir très restreint, car vous savez que cette pratique et cet art, pourrait-on dire, devient de plus en plus à la mode, et nous consacrerons une émission entière au problème de la photographie sonorisée. Et savez-vous que par là, vous abordez les chapitres de l'avenir, car je pense, et le 14 août, celui qui vous en parlera dira qu'il le pense aussi, que les montages de diapositives sonorisées, c'est une des voies d'avenir pour tous ceux qui s'intéressent à l'enregistrement et à la reproduction des sons, comme à la photographie. Et je pense qu'en matière d'enregistrement, et aussi de jonction de l'image et du son, il y a une autre voie d'avenir qui commence à s'ouvrir et qui va prendre une importance considérable, c'est celle que désigne un mot nouveau, le magnétoscope, c'est-à-dire l'enregistrement synchrone des images et du son sur bande magnétique. Vous savez certainement que cette technique a été mise au point après de très longs et laborieux efforts, commencés notamment aux États-Unis, par une société portant le nom d'un chanteur de charme. Après tout, comme cette société n'a pas continué dans cette voie, je peux citer son nom, c'était la Bing Crosby Company. Et la bande magnétique porteuse de l'image et du son synchrone est devenue maintenant d'usage courant en télévision. Et ce qui est très intéressant, c'est que, comme ça s'est passé pour le magnétophone, où on est passé des gros appareils lourds, onéreux, etc., à des petits appareils à la portée presque de tout le monde, peut-on dire, la même évolution commence à se dessiner pour les magnétoscopes. Avant longtemps, tout un chacun pourra acquérir à des prix abordables un appareil maniable, même pour le profane, et qui lui permettra d'enregistrer synchrone l'image et le son. À ce moment-là sera vraiment née, Jean Thévenot, la caméra stylo. C'était Magie et vérité des sons. Une enquête de Guy Erisman sur l'art et l'usage de l'enregistrement sonore. Cette émission a été diffusée la première fois le 31 juillet 1964 sur France Culture. À suivre, vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.